you off my mind. Can't get you off my mind. Avec encore un best-of du 6-9. Et on va s'écouter une séquence qui parle de ce que les parents font et qui nous énerve. Vous avez sûrement des idées aussi. On va aussi s'écouter Amir pour aller jusqu'à 6h. Donc juste avant de retrouver toute la team du 6-9 en forme plus que jamais. Et puis moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain dès 4h. Ciao. Le 6-9. 6h-9h. Sur Énergie. Beaucoup de réactions qui sont arrivées. Ce que vos parents font ou faisaient quand vous étiez petit et vous détestez par-dessus tout. On a fait le tour de table, tout le monde l'a dit, hein, ici dans l'émission. Non, Jérém, t'avais pas de si tu l'as dit, toi. Ah oui, c'est le doigt mouillé sur la joue, là. Ah, ça, c'est le truc le plus dégueulasse. Tu sais, juste avant que tu quittes la voiture, t'as un moment qui fait attends, viens ici. Et puis, elle lèche son pouce et puis elle enlève le Nutella qui est sur le doigt. Et puis alors, t'as l'odeur. Aurélie, la relax. J'ai un aveu à faire, je le fais avec ma fille. Oh non. Mais si, mais hier Saint-Nicolas il est venu à l'école et elle a mangé du chocolat, on en avait partout. Et donc t'as lâché ton doigt pour l'essuyer. Ouais. C'est dégueulasse. Non, mais fais pas ça. Tout ça pour avoir du chocolat sur ton doigt. Allez, arrête, vraiment. J'allais pas la laisser avec des moustaches de chocolat. De l'eau, une lingette. Eh ben tu prends ton pull. Tu fais pas ça, c'est affreux. C'est pas pour tes enfants. Mais oui, il y a Julie qui est là, 0800 2 3 4 5 6. Bonjour Julie. Bonjour. Qu'est-ce que les parents font ou faisaient, je suppose, hein, 34 ans forcément, qui détestaient. Mais c'est un peu un combo de ce que vous venez de dire. Je pense que ma mère avait faim. Et donc il y a des fois où c'était l'idée de mettre le doigt sur le visage avec de la bave et de frotter. Et il y avait le côté où des fois elle sortait carrément un mouchoir, mais très suspect. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec avant. Et elle me frottait le visage avec ça et ça m'a traumatisé. Ah ouais, mais moi c'est pareil. Moi ma mère c'était ça, c'était le doigt. J'ai tellement crié qu'elle ne le faisait plus. Mais du coup après elle prenait un vieux mouchoir. C'est pas comme tu dis, il y avait du rouge à lèvres dessus, il y avait du tout. Enfin. Et elle t'essuyait avec ça. Un peu l'idée de le refaire avec ses propres enfants. Il y a une fois où je me suis vue presque le faire, lécher mon doigt, puis je me suis approchée de son visage. Puis je me suis dit non. J'ai prévu des lingettes depuis 9 ans. Merci. Bravo, bravo, bravo, bravo, mais oui. Non mais c'est vrai, c'est un coup à traumatiser les enfants, j'oublie. Ouais, non mais toi tu dois aller au ministre de l'éducation, hein. Mes deux grands frères après le faisaient me lécher carrément le visage. Non. C'est atroce. Merci d'être passé en tout cas Julie ce matin, on t'embrasse. Y a pas de soucis. Ah, attends, bouge pas, t'as un petit peu de chocolat. Bisous Julie, à bientôt. Bonne journée. Salut, bonne journée. Laetitia aussi qui nous a appelé ce matin. Bonjour Laetitia. Laetitia ? Ah, attends, on a un standard, vieux, comme le standard de Liège. Il fonctionne une fois sur deux. Allô, Laetitia ? Non, elle est plus là. Laetitia ? Allô ? Laetitia, qu'est-ce que tes parents faisaient que tu détestais ? Ben, en fait, quand j'étais petite, ma maman m'appelait tête de prout. Tête de prout ? Oui, parce qu'en fait, à tête de prout, elle me demandait qu'est-ce que je voulais faire ou qu'est-ce que je voulais manger. Je faisais toujours... Je sais pas. Ah oui. C'est trop drôle. Donc, pour l'instant elle le fait encore, donc voilà. Peut-être un peu plus quand elle le fait, mais quand j'étais petite, pas du tout quoi. Oh, c'est super drôle. C'est mignon. C'est moi mignon. Je me souviens que ma maman, quand j'étais à l'école et qu'elle me déposait, elle me disait salut sale cul. Ok, toi aussi t'es riche apparemment. 5 euros. Laetitia, eh ben, tête de prout, on te souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Voilà, maintenant tous les gens qui vont te reconnaître vont taper tête de prout. Ouais, c'est Laetitia de où ? Pardon ? C'est Laetitia de où ? De Chaumont-Gistoux. Voilà, okay. Toutes les 17 Chaumont-Gistoux. Vous avez peut-être de prout à partir de tout à l'heure. On te souhaite une belle journée, Laetitia. À bientôt. Une belle journée. Bisous. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be.

secret places for two. We should leave there now. This is our chance to break through. No more hateful lies. A secret places for you. Vous avez oublié quelque chose? Mais oui! Des tomates pour mes tomates crevettes! Arrêtez-vous aussi chez Kuwait pour vos achats de dernière minute, ouverts tard le soir. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Énergie. C'est jeudi. Ouais, ouais. Attends, je viens d'avoir une hallucination. Il dit Tiffany. Il dit Tiffany. Attends, j'ai mon nom dans une musique. Détends-toi. Non, je voulais juste la chauffer. Elle a dit en fait, Tiffany, elle est géniale. Oh là là, vous avez encore passé une soirée à boire tous les deux, c'est pas possible. Hein, entendre des trucs pareils dès le matin. À 9h15, j'étais dans mon lit, j'étais dans le coma, vieux. C'est jeudi 6 décembre, on est là comme chaque matin avec les fifous. Il y a Tiffany au standard, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Voilà, j'ai rêvé ou. Quoi? T'as vu ses cuissardes? Elle est pas bien, hein. T'as vu ses bottes cuissardes? C'est quoi cette tenue? Mais c'est Julia Roberts. Mais non, mais tu fais quoi? Je me suis dit. Mais attends, allez. J'ai pas vu. Non, mais allez. Elle a habillé mon pote, t'as l'impression qu'on va faire le 31 décembre. Regarde, bah dis non, si je mets ça le 31 décembre, je suis habillée comme une baraquille, hein. Mais c'est quoi? C'est une petite robe d'automne. Elle avec des couleurs cuissardes. Feuilles mortes et puis des petites bottes. Des couleurs feuilles mortes. Elles sont bien mortes, hein, des couleurs. Et puis, allez, arrêtez, vous me donnez chaud. C'est magique. Elle s'est jamais habillée comme ça. Il y a quoi? Il y a un rendez-vous aujourd'hui. Il y a un rendez-vous. Bah non. Mais il y a un mytho, arrête. Il y a Broken Back et Klingan qui viennent tout à l'heure à 16h. Peut-être que c'est ça? Oh non, même pas. Allez, magique. On va faire une photo pour mettre sur Instagram. J'ai pas le droit de me faire biche, les gars. Ah oui, mais le problème, c'est que t'arrives pas. J'arrive pas à me faire biche. Non, oui. Non, mais c'est pas ça. Ce qui me fait peur, c'est que pourquoi être biche le 6 décembre alors qu'on a démarré le 28 août? Pourquoi? J'ai préféré d'abord vous montrer ma vraie nature avant de vous montrer ce que j'étais capable de faire. Du coup, on a plus envie. Jérémy est là ce matin aussi, bonjour. Ça va bien? Ah ouais, moi j'étais sous le choc quand je l'ai vu arriver. Je fais, qu'est-ce que c'est que ces bottes cuissardes? Qu'est-ce qu'elle fait là, Catwoman? Oh, elle a pris cher, Catwoman, quand même. 50 nuances de feuilles mortes. Oh, je suis fatigué. Ah, ça promet. Frisco est là aussi ce matin. Bonjour everybody. Hey, oh, oh. Ça va bien? Oui, ça va, j'ai rien de me faire rire. On a perdu Jérém. 50 nuances de feuilles mortes. Et tu penses qu'à 9h tu t'en serais remis? Oh, c'est magique. Aurélie, bonjour. Bonjour. Enfin, une autre personne normale, ouais, dans cette équipe. Une personne normale. Non, je suis fâchée. Oula. Quoi? Bah, Saint-Nicolas, il est pas passé. Oh. Ah, tu t'es fait arnaquer. Ah oui, on s'est tous fait arnaquer au cas où. On a tous été gentils, sages, pendant un an. Et il n'est pas passé. C'est vrai qu'il n'est pas passé normalement. Je pense que. Ah ouais! T'étais un peu trop tôt dans le truc. Ouais, c'est un 7-6 ans, il est encore un peu tôt pour. Voilà. Ouais, attends, il doit faire toutes les maisons des enfants, etc. Et après, c'est les adultes. Bah, l'année dernière, quand je suis arrivée, il était déjà passé. Oh! Arrête un peu de faire ta. Hein. Oh, chouchou! Allez, c'est ça, c'est vrai, c'est la Saint-Nicolas, j'avoue. Pas oublié. Saint-Nicolas. Mais calme-toi, toi! Escaliers. Petit soulier, semble toujours sage comme un petit mouton. Je ferai mes prières pour avoir des Saint-Nicolas, je sais pas, ça traînait par là. Bonne Saint-Nicolas à vous aujourd'hui, j'espère que vous avez été gâtés. Vous avez été sage, parce que c'est la condition sine qua non pour être gâté, comme ouais. Le dit Aurélie. J'ai été sage moi, mais il est pas passé. Tu n'es plus une écolière. Mais c'est vraiment une enfant en fait. Hein. Aurélie, la météo vite fait pour aujourd'hui. Va faire pourri Saint-Nicolas. Ouais. Bien fait pour toi. Voilà, des nuages avec de la pluie, ton traîneau. Ah non, c'est pas un traîneau lui. Mais non. Tu vas glisser, mets des bottes. C'est une Renault 5 lui. Entre 9 et 13 degrés. Ah, Saint-Nicolas. Eh ben, bonne Saint-Nicolas à tout le monde. On en reparlera un petit peu plus tard quand même. Ouais. Fait, ça, on va pas passer à côté. On a beaucoup de choses de prévues aujourd'hui. Très sympathique. Je vous le dis, restez branchés. DJ Steak, on écoute ça maintenant sur Énergie. Et dans un petit instant, on va revenir avec notre calendrier de l'Avent. Et on va faire un quiz de Noël pour savoir qui va manger le chocolat. Oh, trop bien, du calendrier. Ouais. Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Suavecito, bebé. Taqui, taqui. Taqui, taqui, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Bye, bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizzy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Énergie, l'hôtel est en train de poser, elle fait un défilé de mode. Elle fait un shooting, la meuf, juste pour qu'on lui dise que c'est moche. Voilà, tout ça pour faire. On a mis la photo d'elle en bibiche sur Instagram. Vous allez nous dire si bibiche ou pas bibiche. Ouais, Aurélie. Vous savez à qui il me fait penser? À qui? À José Garcia quand il faisait. Tu vois les grimaces qu'il faisait quand il posait. Ah oui, avec quand elle faisait Cindy trop forte. Oui, avec deux cônes. Je vous invite à voir les images sur le site. Solidarité féminine, on peut toujours compter sur la violence. Je sais pas si c'est un compliment pour une nana de dire que tu ressembles à José Garcia. Avec ou sans la moustache. Non, c'était pour la pose, c'était pour les mimiques. Merci Aurélie, tu m'as fait ma journée. Ah, je pouvais pas faire mieux. Dans un petit instant, Soprano qui va arriver. Et en effet, allez voir la photo de Tiffany. On a mis ça sur Instagram. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Venez nous rejoindre. Je la mets maintenant. Tu la mets maintenant avec un petit sondage. Biche. Or notre biche. Et les gars, il est 6h10, j'ai déjà pris cher pour 3h là. Nous allons parler un petit peu de Noyol. Eh oui, c'est ça Nicolas aujourd'hui. C'est le 6 décembre. C'est le chocolat du calendrier de l'Avent. Ladies and gentlemen, Tiffany. Yeah, hello my dear. Oh, welcome everybody. Ne jamais la lancer, not pour moi. Non, jamais, jamais lancer Tiffany. Voici un petit quiz de Noël, les amis. On va jouer avec des questions en rapport avec Noël. Et en fait, tout simplement, vous allez devoir me donner les bonnes réponses. Et celui qui en aura le plus pourra manger le chocolat. Ouais. Okay. Du calendrier de l'Avent. Évidemment que je serai au taquet. C'est le 6e jour. Ouvre Frisco déjà pour savoir qu'est-ce qu'il y a à manger. Ça tombe. Ah, ça tombe, je vais même pas essayer de vous répondre. Genre. Alors. Oh là là, ça a l'air bon. Il a l'air bon. C'est quoi? Alors attends, je vais aller voir. Il va nous décrire ce que c'est. Ça a l'air bon. Il faut que je regarde. Alors, ça a l'air d'être désir 64% cocoa, cacao. C'est de la nougatine. C'est nougatine avec de la ganache de chocolat péruvien. À l'intérieur. Pas mal. Chocolat noir. Oh. Voilà. Eh bien, qui va manger le chocolat ce matin? Voici le quiz de Noël. For Christmas is chocolate. Attention. You. Vous donnez votre prénom avant de donner la réponse. Ok. Quand débute la période de l'Avent? Frisco. J'ai dit Frisco. Frisco. Le 1er décembre. Le 1er décembre. Évidemment. Évidemment, bravo. Allez, bravo. Eh bien, oui. Applaudissez-moi. Ah bah bravo. Merci. Avec beaucoup d'entrain. C'est en effet le 4e dimanche avant Noël. Bien vu mon Frisco, elle était pas très. Avec plaisir. Deuxième question. Ouais. Quelle est la signification de l'étoile qu'on accroche au frigo? Possédée la vie. C'est l'étoile du berger qui guidait les rois mages. C'est quoi le. Oui, donc va. C'est l'étoile qui a guidé les rois mages. C'est suivez l'étoile du berger. Oh les références. Bonne réponse de Tiffany. Ouais, l'étoile de Bethléem. Si l'étoile. Moi j'ai une flèche. Suivez l'étoile du berger. La flèche pour dire. Bon, on t'a pas demandé de chanter tout le répertoire de Sylvie Vartan. Si j'en ai là. 6h14, je suis déjà très fatigué, je vous dis. J'avais déjà pas beaucoup un quota très grand, mais là tu viens de me l'épuiser en 10 minutes. Troisième question. Le Père Noël possède. Oui. Ah pardon. Vas-y. 12 reines. Perdu, c'est pas la réponse. Eh ben non, tu peux plus répondre. Le Père Noël possède déjà 8 reines pour ton information. Citez 4 de leurs noms. Oh purée. Oh, j'en connais pas. Ouf. Mais ouais, t'as rien, je les connaissais. Mais enfin. Mais je peux plus répondre. Oh là là. J'ai vu un film de Noël en plus la semaine dernière. Ah oh, je sais pas. Oh. Vraiment je sais pas. Si je vous dis Tornade. Mais oui, Tornade. Ouais. Il y avait Flocon aussi. Tornade, c'est le cheval de Zorro. Non, c'est Tornado. Attends, il y avait quoi tu dis toi? Il y avait Flocon. Flocon, mais. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon, éclair et tonnerre. De où t'as vu un flocon là? Aïe là là là là là. Quatrième et avant-dernière question. Combien de vues totalise le clip de Mariah Carey? All I Want for Christmas. Frisco? Un milliard. Non. Jérém. 89 millions. Mais plus, non, t'es plus, Aurélie. Plus. Aurélie. 250 millions. Non, plus. Tiffany. Ouais. 450 milliards. Quel est con. Donc c'est, en soi, c'est. Jérém. C'est moi qui suis. Non, mais prêt. Attends deux secondes. On est combien sur la planète? Ouais, non. Bah, ouais, non, mais. On est déjà à 7 milliards, la meuf. 450 millions. 450 millions. Non, trop tard, t'as 10 milliards. Allez. Qui d'autre? Vas-y. 700 millions. Non, et tu sais quoi, je la donne à Tiffany parce que c'est elle la plus proche, mais 100 millions, Nunuche. 460 millions et pas milliards. Mais non, mais c'est elle qui a dit. Moi, quand j'ai dit 250 millions, elle a dit 450 milliards. Oui, bon, allez, d'accord. Vas-y, allez, vas-y, prends le chocolat. Aurélie, fatigué. J'ai un Léo dans mon sac. Allez, la dernière, la dernière. On est à combien? Parce que là, tout le monde a c'est un point. Un point, à part Jérémy, il n'a pas de point. Ouais, ça va. Il est pas là, lui. Ouais, il n'est pas là, il n'avait pas vu le chocolat. Quel est le budget moyen que le Belge dépensera à Noël? Repas et cadeaux. Jérémy. Par personne? Non, un repas moyen, donc pour le repas et les cadeaux. 74 euros. Aurélie. Non, plus que ça, Aurélie. 200 euros. Non, plus, Frisco. 300. Non, plus. Mais enfin. Tiffany. Ouais. 1000 euros. Non, hey, moi, j'ai toujours Frisco. Ouais, 518 euros pour être exact. 518. Eh, ouais, quand même. Ouais, 10 000 balles parce que nous, ben non, on fait de Noël. Il faut taper très loin, comme ça, au moins, tu sais que tu dois redescendre. Voilà. Eh ben j'ai gagné. Donc, Frisco qui va pouvoir manger ce matin le chocolat du calendrier de l'Avent. Mon Frisco, fais-toi plaisir. Et dis-nous ce que ça goûte, quel est le plaisir ressenti. J'espère qu'il est pas bon. Oui, moi aussi. Je peux le donner à quelqu'un. T'aimes pas? Non. Pourquoi? Le mec il gagne, il en veut pas, il est dégoûté. T'es sérieux? T'as ouais. voulu, t'as eu, maintenant tu non, manges. Non, tu le manges. Non, j'aime pas, je te jure. Je sais plus, j'avais dit quoi de la nougatine du bizarre là, j'en veux pas moi. Oh là là. Allez, fais pas ton enfant. Oh purée, je le mange la moitié, tu manges l'autre moitié. Ok. Ah non, c'est dur et tout, tiens. Oh non, tu la mets en bouche. Oh là là, quel chipoteur. 6h16 sur Énergie, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la, la, la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Mais on savait donner, elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sans ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman dit laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Des petits sujets, on fait plein de petites choses comme ça, on vous demande vos réactions, vous nous envoyez les réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au 3018, et il s'avère qu'on n'a pas le temps de tout lire. C'est vrai. Voilà, faut être honnête. Et ben on a récupéré les pépites de cette semaine, on vous lit tout ça dans un instant, c'est Jérémy Frisco qui vous ont préparé yeah. ça. Les pépites du 6-9, ça arrive juste après Panic 4 de Disco. C'est le 6-9. Macro, Flash Info. De la côtelette au quartier de bœuf, du ravier d'américain au colis de 5 kilos, fraîchement préparé ou dans notre énorme rayon surgelé, Macro, c'est aussi le plus grand choix de viande. Alors, professionnel ou particulier, avec ou sans numéro de TVA, demandez votre carte sur bienvenuechezmacro.be. Macro, vous avez tout d'un pro. Jusqu'à samedi, chez Macro, un sapin Nordman de près de 2 mètres pour 10 euros seulement. Pour tous. La question du jour. Avant de déballer les cadeaux, ne faudrait-il pas savoir quoi emballer ? Ah ben oui, c'est mieux. Vivez la magie des fêtes avec MediaMarkt. Nos experts vous trouveront le cadeau idéal, comme la télé Samsung Ultra HD de 55 pouces pour seulement 699 euros, soit 250 euros de moins. Maintenant en magasin et sur MediaMarkt.be. Hé, hey, c'est Randstad. Qui ? Dites-moi, que faites-vous demain ? Demain. Oui, demain. Le monde change si vite qu'il vaut mieux s'y préparer, non ? Eh ben, c'est ce que je fais en livrant des colis, tiens. Factrice, c'est pas un nouveau métier, ça ? Non, mais livreuse de colis par drone, ça, ça l'est. Cool, il y a quoi dans le paquet ? Un autre drone. Ce qui est plutôt drone, non ? Non. D'accord. En tout cas, continuons à aller de l'avant. Ensemble, avec Randstad. Et vous ? Que faites-vous demain ? Randstad. Attention, l'envie d'une nouvelle cuisine Ego peut vous jouer des tours. Dis, t'as pas vu mon chemisier ? Tu sais, celui que j'avais mis dans le frigo ? Pardon ? Ah non, je sais où il est, dans le tiroir à casserole. Ok, t'es sûr que tu vas bien, toi ? L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus ? En décembre, Ego vous offre votre cuisine 2019 au prix 2018 et réserve un très beau cadeau à ceux qui se décident avant Noël. Ego, la cuisine de ma vie. Vous, si vous aviez le choix, vous préféreriez un très beau chien qui bave beaucoup ou un chien très moche mais qui sait compter jusqu'à 1000. Heureusement, chez Renault, c'est plus facile de choisir. Nos conditions salon commencent dès maintenant, avec par exemple tous les breaks au prix des berlines. Choisir une voiture n'a jamais été aussi facile. Infos et conditions sur Renault.be. Des cadres de disco dans un petit instant. On va vous lire les pépites, les messages qu'on a reçus de tous les fifous. Il y a des très drôles. Ça va être juste après Panic at the Disco et un point sur les routes, Aurélie. Je vais faire dans l'original. Hein. Ça bouchonne sur le 411 entre Stockholm et Sturridge. Vous perdez 25 minutes. bonne matinée avec énergie, 6h24. On va vous lire les pépites, les messages qu'on reçoit des fifous au sujet, par exemple, qu'on a eu dans la semaine. Et il y a des messages que forcément on n'a pas pu lire, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, donc on ne peut pas tous les lire. Hein, sinon, on les lit finira tous, à 18h. Mais on ne sait pas tous les dire. Oui, mais c'est ça. Oui, on les lit tous, mais oui, bien vu. Mais voilà, sinon l'émission se terminera à 18h, vous en doutez bien. Du coup, on a récupéré les pépites, Frisco et Jérém. Ouais. On sait pour vous, qu'est-ce qu'on a eu comme pépites ces derniers temps? Alors, le sujet de hier, c'était qu'est-ce que vos parents font, ou faisaient, et que vous détestez. Il y a Aurélie qui disait sur Facebook, quand ma mère fermait mon manteau et coinçait la tirette dans mon menton. Oh là là, c'est tellement vrai. Ça. J'ai eu ça. Combien de fois j'ai pas eu une cicatrice ici à cause de ça? Incroyable. Bon, en fait, c'est, les parents, ils étaient hyper pressés. Ouais, allez, mets ton manteau. Un peu énervé. Et après, tu disais, oh pardon. Oui, parce qu'ils savent que ça fait ça. C'est ça. Bah oui. Il y a Lily qui disait, quand j'étais ado, ma mère adorait me faire la merveilleuse surprise de venir m'attendre devant l'école avec le chien et crier, Ophélie, maman, Alors, à 7-8 ans, c'était sympa, mais à 14-15 ans, c'était moins drôle directement. Et tu m'étonnes. Et à 30 ans, devant le boulot, c'est encore moins sympa. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, il y a Sandra qui disait, ma maman me coupait toujours les cheveux elle-même, et pendant mes 10 premières années, j'avais la même coupe que Mireille Mathieu. Oh purée. Ah, c'est incroyable, les apprentis coiffeuses. Il y a Christelle qui nous disait, pour venir me chercher à l'école à cette même époque de l'année, mon papa branchait sur l'allume-cigare de la voiture un petit sapin avec des couleurs multicolores qu'il accrochait sur le pare-brise avec une ventouse. Quelle horreur. Ça c'est la honte. Ah, la honte internationale. Ah, mais clairement. Ah, vraiment. C'est dur. Et on a eu aussi, il y a quelques jours, les excuses bidons, tu vois, hashtag balivernes. Et au 38, on avait reçu Manon qui nous avait dit, moi j'étais indisposé et pour pas aller à la piscine, sauf que ça faisait 2-3 fois par mois en fait. Donc voilà, le prof avait un peu des soupçons. Scientifiquement, pas possible. Ouais, c'est ça quoi. Clairement. Il y a eu quoi d'autre comme message pour les excuses bidons? Alors François disait, dire à son boss que j'ai passé la nuit sur les toilettes alors que j'ai passé la nuit sur un podium à danser excuses bidons mais qui en vaut la peine. Et il y a Adrien qui dit, quand ma femme me dit, faut que je te parle d'un truc et que je réponds, je t'écoute. Énorme bobard. C'est vrai, les mecs, on n'écoute pas vraiment. Oui, on faut être honnête. En fait, on entend, mais on n'écoute pas. On n'est pas attentif. On n'est pas attentif. Oui, c'est ça. Déjà, quand ta meuf te dit on doit parler, c'est que ça pue. Donc, c'est pas bon signe, ouais, clairement. Ben voilà, les pupilles des messages des fifous. Merci les copains de nous envoyer vos petits messages et de réagir. On met Paul Kless rapidement, on est en retard, mais c'est pas grave, mon fou, j'ai envie d'un petit coup de suavemente. 6h27. Oh, bah oui, dis donc. Allez, Espagne. Keep it suavemente. Bésame, bésame. Bésame otra vez. Quiero sentir tus labios. Bésame otra vez. Besa, besa. Bésame un poquito. Besa, besa, besa, besa. Bésame otro ratito. Cuando te veo, comienzo a besarte y sé que despegas. Yo me despierto desde el rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you do to me. Keep it suavemente. Bon jeudi avec nous sur Énergie Dino. On vous joue ça sur Énergie dans un petit instant. Il y a les concons de la semaine qui arrivent juste après. Oh, il y a de la pépite. Il y en a qui ont oula, chauffé les neurones cette semaine. Ça a claqué dans les neurones, je vous le dis. C'est juste après à 6h35, bougez pas. Patience. un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. 6h31 sur Énergie, dans un petit instant, les concons de la semaine, Dinoro, et là voici la météo. On aura un temps pluvieux aujourd'hui avec une visibilité qui sera réduite surtout sur les hauteurs de l'Ardenne, côté température entre 9 degrés en Haute-Fagne et 13 degrés partout ailleurs. Jeudi 6 décembre, on s'informe, l'actualité c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le Parlement soutient le pacte de l'ONU sur la migration. La majorité des partis a apporté son soutien au texte hier. Sans surprise, l'ANV a voté contre. Lundi, Charles Michel se rendra à Marrakech. C'est là qu'aura lieu une conférence internationale sur le sujet. Le Premier ministre présentera l'avis du Parlement. Ça veut donc dire le soutien de la Belgique au pacte. Rappelons que le sujet divise le gouvernement depuis quelques semaines. L'ANVA est totalement opposée au pacte protégeant la migration. Et puis d'après un sondage Ipsos le soir, 31% des Belges pensent que le dossier doit entraîner la chute du gouvernement. 44% pensent le contraire. À l'étranger, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles de l'ancien président Bush. Il s'agira de cérémonies nationales. De nombreuses personnalités seront présentes, parmi elles le président actuel Donald Trump, mais aussi son prédécesseur Barack Obama. On passe au sport en football. On connaît l'affiche des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Malines affrontera Courtrai. Saint-Tron fera face à la Gantoise. Eupen sera opposé à Ostende. Et puis l'Union Saint-Gilloise ou Knokke sera opposé à Genk. Les matchs auront lieu entre le 18 et le 20 décembre. C'est ça le 6-9 sur Énergie ? D'accord. Bah quoi ? Très bien ce 6-9. Oui, moi ouais. je le trouve sympathique ce 6-9. Ouais. Toujours critiqué celle-là, je te jure. Il est 6h33, bonjour. Bonjour. C'est un jeudi qu'on démarre, on le démarre avec vous ce matin évidemment, avec vos hits préférés, Lizzo, Dinoro tout de suite. Et juste après, ça tombe bien, on a de la pépite, c'est les concons de la semaine qui arrivent. Oh. Sur Énergie, Lizzo. Ah bah, Lizzo, on a dit Lizzo. Pas Lizzo, bravo. Ah bah, je veux pas Lizzo. C'est pas mal. Ouais, c'est pareil. Honnêtement, tu peux compter sur nous, Marco. On n'est pas loin, oui, je vois ça. Si jamais il n'y a plus de musique ici, on a Frisco et Jérém qui vont faire la musique, c'est génial. Lizzo, on écoute ça dans un petit instant, 6h36, voici les concours de la semaine. Et alors la bonne nouvelle, c'est une spéciale ce matin, spéciale mariage, spéciale on s'aime, spéciale bébé. Cool. Bref, quand l'amour est dans ta vie, et tu peux éviter un concours aussi. Ah, je et bah oui, c'est le cas de John Loop, le mec qui tient tout dans son nom de famille. Loop, le mec s'appelle Loop ou Loupé. C'est John Loupé. Excellent. Puisqu'il a un peu loupé sa demande en mariage, ça s'est passé à New York. Ils étaient en fait en voyage avec sa compagne à New York, et il s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est pas mal, New York Times Square. Ah bah oui, pour faire une demande. Je crois qu'il doit, y en avoir, mais 50 par jour. Par jour, ça doit être un truc de dingue. C'est même pas drôle. Oui, c'est ça. Et du coup, il s'est dit, tiens, on va faire ça à Times Square. Donc il est là, au-dessus d'une bouche d'égout. Il sort la bague, et là, badaboum, la bague, ding, ding, ding. Non. Le concours. Alors chérie, tu me donnes 5 minutes, je regarde. Et alors tu les vois sur la vidéo surveillance, parce que c'est magique. Il y a une vidéo. Oui, il y a une vidéo où tu vois que le gars, après, il est à 4 pattes par terre en train d'essayer de la récupérer, mais c'est foutu. Tu vois, le truc est tombé à je sais pas combien de mètres en dessous. La boulette, ouais. Et alors, ce qui est très mignon dans cette histoire, c'est la police new-yorkaise qui a en fait publié la vidéo sur Twitter. C'est eux qui l'ont publié. Et tu sais pourquoi? Bah pour la retrouver. Parce qu'ils ont retrouvé la bague, les flics. La police a retrouvé la bague et ils ont dit, ah ouais, maintenant c'est cool, mais il faudra retrouver le mec. Le gars, quoi. Et donc, ils ont mis ça sur Twitter pour, en mode avis de recherche, quoi. Excellent. 30 000 repartages. Ah, j'ai cru 30 000 euros la bague. Bon, ça, on sait pas. Les gens se sont extrêmement mobilisés et évidemment, ils ont retrouvé le couple. Oh, voilà. C'est génial. Ouais, très génial. Purée, terrible. Et donc, la police a tweeté, la police new-yorkaise. Merci Twitter, affaire classée. Amour, avec amour, John, Daniela et la police de New York. Il y a bien qu'aux États-Unis où ils peuvent te mettre un tweet genre affaire classée. Ce qu'on dit pas dans l'article, c'est qu'elle a dit non. Après. Ah oui, c'est ça, je voulais savoir. Elle a dit oui ou pas? Bah, ça, on n'en sait rien, les amis. Ça, c'est la suite. Mais elle a dit oui. Oui, elle avait dit oui, pardon, je le vois. Elle a dit oui, mais il était tellement excité qu'il a laissé tomber la bague lui. Donc, c'est ça le truc. Bah, je peux comprendre, moi aussi. Hein, je serais pas. Elle a dit non, t'es trop bizarre, toi. la bague, c'est parti. Oh non, en fait, non. On continue ces concons spécial mariage. Alors là, attention, c'est une coconne, mais je prends avec des pincettes. Parce que c'est peut-être pas mal ce qu'elle a fait. C'est une américaine qui a 30 ans. A décidé de se marier. Vous allez me dire, jusque-là, ouais, tout va bien. Normal. Ouais, sauf que comme elle a trouvé personne dans sa vie, bah, elle a fait le choix de compter que sur elle-même. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle a fait une cérémonie de sologamie et elle s'est passée la bague à elle-même. Elle s'est épousée elle-même. Bah, tu rigoles. Non, oui, vraiment, ouais, c'est possible. Elle se fait un cadeau, quoi. Elle s'est acheté une bague. La famille n'était pas très, très, très chaud, mais ils ont quand même été assistés au mariage. Et alors, lors de la cérémonie, elle s'est fait la promesse de toujours veiller sur elle et de toujours s'encourager dans les choses qu'elle entreprend. Mais ça fait un peu psychopathe, quand même. Ouais, oui. Oui, un peu, ouais, c'est bizarre. Mais par contre, à mon avis, ça doit être un truc en mode s'aimer soi-même, c'est la base. Ouais, c'est trop bien. Et il y a des caca papillons. On part aux États-Unis, en même temps, on n'est pas parti, on est toujours là-bas en soi. Là, cette fois-ci, c'est un papa qui voulait faire une grosse fiesta. Ça existe, hein, toi qui étais aux États-Unis, Jérém, peut-être que tu connais la Gender Reveal Parties. Non. Qui est en fait là, une soirée pour dévoiler le sexe du bébé. Ah non, je connais pas. Voilà, donc, c'est un peu comme un. Allez, comment on appelle ça ici? Un baby. Shower. Un peu dans le style, quoi. Ouais, sauf que là, ils annoncent la couleur après de si c'est un garçon ou une fille. Okay. Alors, il faut savoir qu'en général, ils font des gâteaux au glaçage neutre. Et quand tu coupes, soit c'est bleu à l'intérieur, voilà, c'est un garçon, soit c'est rose, c'est une fille. Exactement. Ouais. Et ben, lui, il s'est dit, oh, trop classique. C'est un garde forestier qui a préparé. Je sais pas pourquoi il y a l'accent qui revient. Qui a préparé une cible. Vous voyez, une cible en bois, quoi, pour tirer dessus. Très, très large, avec des mots dessus, donc boy et girl. Et en gros, en mode tir à l'arc, il devait tirer dessus. Et de là, ça a déclenché toute une fumée derrière qui était bleue ou rose. Ouais. Ah, excellent. Ouais, bah ça a pas marché. La forêt a pris feu. Je te raconte pas le carnage. Ouais. Écoutez bien, près de 20 000 hectares de la Green Valley détruite à cause de ce payo, quoi. Mais c'est à cause de lui, l'incendie en Californie? Non, je sais pas, mais 8,2 millions de dollars de réparation. C'est un concours qui coûte cher, hein. Ah lui, c'est pas mal, ouais. Mais il va payer toute sa vie. Il va payer toute sa vie et son futur fils va payer toute sa vie. Ouais, il va en vouloir à son gars, ce fait. C'est ça. Oh là là, oui, c'est ça. T'étais même pas encore né que tu me faisais déjà. Hein. C'est ça, quoi. Et on finit avec celle-ci. C'est pareil, toujours en rapport avec le mariage. Sauf que là, c'est la veille du mariage. La nana a reçu en fait des messages que son homme envoyait à sa maîtresse. Alors la veille, tu te dis quoi? J'annule tout ou pas? Si ça t'arrive, sincèrement, tu te maries demain et tu découvres aujourd'hui que ton mec ou ta nana a un amant ou une maîtresse. Moi, je pense que je sais ce qu'elle a fait pour bien lui mettre la honte. Vas-y, dis. elle a attendu et genre voulez-vous le prendre pour répondre? Non, bam, parce que t'as fait ça et tout ça, tu vois. Pire. Non. Elle a invité la maîtresse. Non. La prof d'histoire. Elle a invité la maîtresse. Non, c'est magique. Honnêtement, c'est lui le concon hein, dans l'histoire. Elle, c'est une héros. Hein. C'est ma héroïne. On dit héroïne. C'est mon héroïne, oui, c'est mieux. Cassie, elle s'appelle. Et alors, c'est magique. Quand elle a découvert les messages, elle a dit « Ok, très bien. Eh ben, tu sais quoi? Je vais les lire demain à la cérémonie. » Devant tous les invités. Elle a lu les messages. Sa belle famille et tout ça. Et là, elle a dit « Alors, tu as notamment envoyé à cette... Ton corps est incroyable et tu sais comment t'en servir. J'aimerais que ma copine ait au moins la moitié de tes compétences. » Oh là là ! Ça fait mal, hein. Alors, à ce moment, elle était tellement choquée et triste qu'elle n'a pas pu être en colère. Et elle s'est dit, je n'annule pas le mariage. Je vais lui mettre la honte de sa vie, quoi. Et elle a lu tous les messages. Ouais, mais elle l'a pas épousé. Non. Ah. Bah, elle a divorcé le jour d'après, quoi. Eh oui, il semblerait qu'Alex ne soit pas celui que je croyais qu'il était. Là, t'as les parents qui sont devant. T'es pas bien. Moi, je suis sûr que même le père du mari a fait « Ouais, bravo. Bravo. Ouais, c'est un bâtard, mon fils. » Par contre, t'es gentil, le courrier sur Josie. Tu le lis pas, s'il te plaît. Fais pas n'importe quoi. Moi, ça fait 40 ans avec la vieille ici. Alors, ne fous pas ça en l'air. Alors, clairement, ouais, comme on dit, hein, t'es le père, t'es le fils. Ma bataille. Hey, boy. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you alone, boy? Come get me, dumb boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I hit my beer. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? LP. LP sur Energy avec Recovery. Emma. Et vous savez quoi? Je viens d'avoir un flash là. Je la vois trop faire un duo avec Loïc Toté. Les deux voix hyper aiguës là, ça pourrait bien matcher, ouais, je pense. Ça pourrait bien, bien matcher. Ouais. T'as des bonnes idées, toi. Ouais. Loïc Noté d'ailleurs qui qui sera là vendredi, les copains. Ça, c'est la bonne nouvelle en interview chez Rally des Wendy. C'est le grand retour de Loïc Noté. Eh, mais Rally des Wendy, ils sont en forme, hein. Ah, ils ont tout le monde en ce moment. C'était hier Soprano. Non, mardi Soprano. Aujourd'hui, Broken Back et Klingon dans Afterwork. Demain, Loïc Noté. Eh, prêtez-en un peu, hein. Ouais, c'est ça, quoi. On est jaloux, c'est tout pour vous. Les mecs, ils disent ça, ils ont eu David Guetta la semaine dernière. Il est impassible, ouais, non, j'avoue, du beau monde. Et Alice on the Roof bientôt. Et Alice on the Roof le 21 décembre, ouais, pour l'émission publique. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, energie.be. Donc, ouais, voilà, c'est pas mal, hein. Beaucoup d'artistes qui viennent nous voir en ce moment, très cool. Et son nouveau titre est ouf, hein. Loïc Noté On Fire. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup le nouveau style aussi qu'il a. Ouais, il s'est fait blond, etc. Il a un nouveau délire. Non, pas vrai. Ouais, il a bien été relooké. Je me demande qui est sa. Sa relookeuse. Ouais. Bah, c'est Tiffany, hein. Évidemment. Non, un peu les couleurs feuilles mortes. C'est bien connu. L'ambiance de feuilles mortes. Ouais, nouveau Loïc Noté. Ce vendredi, entre 16h et 10h et 20h, hein, 16h-20h, c'est Rally des Wendy qui vous accompagne en fin d'après-midi sur Énergie. Ils vous ramènent à la maison. Et Loïc Noté sera donc l'invité vendredi. LP, on écoute ça. On revient juste après. On va vous parler de Jennifer, l'artiste. Elle fait une bonne action. C'est vrai ? Ouais, Jennifer, la chanteuse, décide de vendre des fringues. Mais pour la bonne cause. Ah, ouais. C'est sympa. On en parle, on vous explique ça dans un petit instant. A tout de suite. Vous allez vivre un moment ultra privé, exclusif, avec votre star énergie, Orelsan. Vous savez comment je m'appelle ? Ça te prend longtemps, Orelsan ! Énergie live session. Bonjour, c'est Orelsan. Vous n'avez pas les passes. Votre radio préférée vous invite pour un concert en toute intimité dans les studios d'énergie à Bruxelles. Tout va bien. Découvrez les hits de son nouvel album en live. Et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique. Énergie tout le temps et gagnez vos places pour ce concert ultra privé, exclusivement réservé aux auditeurs d'Énergie. C'est fou comme j'en ai fait des petits trous pour accrocher le tableau d'Angélique, l'étagère de Karine, mais tout ça m'a fatigué. Alors on m'a rechargé et c'est reparti pour un tour, pour 1000 tours, dans du bois, du métal, de la brique, qui m'ont définitivement épuisé. Rapportez aussi les batteries usagées de vos outils dans un de nos points de collecte. Bébat leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Loulou. Oui. Tu peux me dire ce que tu as ? Rien. Pourquoi t'arrêtes pas de chantonner alors ? Non, c'est rien, je te dis. Je te crois pas. Tu sais qu'on n'a pas de secret l'un pour l'autre, d'accord ? Ok, bon, c'est Mercedes-Benz. Quoi, Mercedes-Benz ? Ils ont commencé leur condition salon. Oh, tu m'as fait peur. On y va ? Chez Mercedes-Benz, profitez dès maintenant de nos conditions salon. Des prix exceptionnels sur les modèles Sport Edition et des primes de reprise super attractives. Rendez-vous sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Action soumise à condition. Au fond, les fêtes, c'est fait pour quoi ? Pour le savoir, Deleuze a posé la question aux Belges. Par exemple, pour Chantal d'Otigny, les fêtes, eh bien c'est surtout l'occasion de se réunir en famille. Yeah ! Avec ses voisins. Yeah ! Et les amis des voisins. Et pour rendre les fêtes encore plus belles, chez Deleuze, le champagne Vrancken Premier Cru ainsi que 100 autres produits festifs sont en 1 plus 1 gratuit. Deleuze, du côté de la vraie vie. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À la fois architecte et conducteur de travaux, il sait tout faire. Lui, c'est Yves. Yves va partout. Entrepreneur en bâtiment, il est tout terrain avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé du grip control et de ses 3 places à l'avant. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en 2 longueurs à partir de 129€ par mois et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. Regarde-tu-là comme il est bien fait. Ah oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. 6h50, LP dans un petit instant, côté hit, on va parler de Jennifer qui fait une bonne action. On va peut-être faire une bonne action aussi ce matin. Je pense, peut-être. On va voir. Ouais, on va voir. Un point sur les routes, Aurélie, avant. Un accident s'est produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grand Bigard en direction de Waterloo. La bande de gauche est bloquée. Sinon, un autre accident s'est produit cette fois sur le 40 à hauteur de Grand Bigard en direction de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée. Puis, sur le 411 entre Stockholm et Serpenich, ajouté 33 minutes supplémentaires. Room is dark, the blinds are shut tight. And everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see I'm in recovery? Just let it be. I'm in recovery. I'm holding on, I know I'm almost there. So don't reach out and tell me that you care. I'm finally sober, I see the light. The worst is over. Allez, 6h54 sur Énergie. Vita Slimane qui va arriver dans un petit instant. Avant ça, je voudrais qu'on parle de Jennifer, la chanteuse, qui a fait une bonne action. Allez. Oui, oui, c'est vrai, Jennifer, elle est célibataire pour l'instant. Vous savez, pour l'instant, elle attend l'amour. Oh, l'échec. Et du coup, elle sort du premier coup, les gars. Le truc est préparé depuis 4 jours. Du coup, elle s'ennuie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare sa révolution. J'aimais bien Jennifer. J'aime toujours. Hein. Je kiffe, je kiffe. Et donc, elle va vendre des affaires sur eBay, sûrement pour partir au soleil. Oh là là! Le roi de la vanne, Jérém, le roi du calembour. Et moi, 0800 2 3 4 5 6, je fais les mariages et parmi ça les anniversaires. Non, Jennifer qui a fait une BA, il faut le dire. Elle a fait une BA, c'est pas pour partir au soleil, elle vend ses affaires sur eBay. C'est une plateforme qui fait une vente aux enchères. Ouais, c'est, oui, c'est vrai, c'est ça, eBay. Ouais. Parce que c'est important de dire, c'est une vente aux enchères. Et en fait, tous ses vêtements, ses affaires personnelles qui seront sûrement achetées par ses fans iront à une association qui est juste géniale. En fait, eBay et Jennifer se sont associés pour la recherche contre le mélanome, qui est une maladie. Et donc, voilà, je trouvais ça vraiment génial. Très, très, très bonne idée de Jennifer, oui. Ouais. Vendre des fringues. Ouais. Des fringues, des bottes. Et c'est génial, si t'es fan, de dire, tu Tu vois, j'ai un, là, j'ai une robe de Jennifer, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, elle fait une taille 32, faut déjà rentrer dedans. Oui, oui. Après, tu l'exposes. Oui, tu peux l'encadrer si après, tu veux. Au moment de la Starac, elle faisait plutôt du 48, hein. J'adore Aurélie. Ouais, mais moi, je fais du 32, donc excuse-moi, mais bon. Ah, coton-tige, c'est pas moi, hein. C'est vrai que ça dit, ça peut être encore en déco ou j'irai, je te sens en kiff là. Achète-toi une robe de Jennifer. Ah, mais moi, je suis justement en train de regarder quand est-ce que ça sera mis en vente. Eh ben, vous savez quoi ce matin? Et alors, attends, j'ai oublié de dire. C'est à partir du 10? Du 10 jusqu'au 20 décembre, je vois, oui. Et tous les articles commenceront à 1 euro. Oh, bah bien. Oh, trop bien. Eh, le 357 là-bas. Ouais, ça rentre dans mes critères. Ouais, mais toi, tu rentreras pas dans tes. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on fasse une vente aux enchères. J'ai demandé à chacun de l'équipe de rapporter un objet de chez lui qu'il n'était plus utile, qu'il en avait marre de voir sous ses yeux et qu'il avait qu'une envie, s'en débarrasser. Tiffany du Standard, quel est ton objet? Alors, vous vous souvenez de mes moufettes? Oui, oui. Eh ben, j'en ai ramené d'autres. Oh non. Elles sont dégueulasses. On rappelle les moufettes pour ceux qui nous rejoignent ce matin. Les moufettes de Tiffany, c'est à laver des chaussures. Elle puait la rage. Un truc de dingue. Incroyable. Ah, il fallait pas que je bouge mon pied dedans, sinon l'odeur. Et t'en as ramené deux nouvelles, quoi. Ouais. Bah, oh, les horreurs en plus, c'est quoi ça? Elles sont moches. En fait, figure. Oui, tout écrasé en plus. Bah ouais, parce qu'elles étaient encore dans une caisse. Mais figure-toi que pour l'histoire, en fait, j'étais partie à Avignon au festival et il faisait tellement chaud que mes sandalettes avaient fondu. Et donc j'ai dû me racheter des chaussures en urgence. Ah, t'avais une raclette dans les pieds, quoi, c'est dégueulasse. Ouais. Ah, des pizza 4 chaussures. Et donc du coup, j'en ai racheté d'autres. Des pizza 4 chaussures. Pas mal, et ben on démarre l'enchère à 1 centime pour les moufettes. On va faire une photo pour les réseaux sociaux. Oui, évidemment, on va faire une photo de chaque objet, on vous le mettra sur les réseaux sociaux, les fifous du 6-9 sur Énergie. Très rapidement, on fait vite parce qu'on est en retard. Aurélie de la Reda, quel est ton objet? C'est une splendide spatule de cuisine. Ah, elle est géniale à poser. Elle est moche. Décoration. Ça n'a jamais été utilisé parce que je la trouve tellement pas belle. Moi j'aime bien. On me l'avait offerte, hein, donc. Oh voilà. C'est horrible. C'est pas très beau, non? Merci maman, mais non. Et donc elle a fini dans un tiroir et jamais utilisé. Et ben voilà, je démarre les enchères aussi à 1 centime pour la spatule d'Aurélie. On va mettre tout ça sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous allez voir les objets. Rapidement, vous les montrez pas, mais dites-moi ce que c'est. Frisco Jérém. Vas-y Jérém. Moi c'est un vieux caleçon. Oh, non, c'est dégueulasse mec. Je vous le montre. Oh non, mais non, il est dégueulasse. Oh non, il a un caleçon avec plein de cœurs de. Mais il y a des trous. Bah oui, c'est pour ça qu'il est vieux. Oh l'horreur. C'est un caleçon que j'ai reçu il y a très longtemps. Et Frisco, ne montre pas, mais c'est quoi? Un portrait de moi qu'on a fait, tu vois, comment on appelle ça, Une portrait, pas une caricature, mais enfin un mec qui a fait ça au fusain, voilà. Mon c'est Dieu. Dégueulasse. Mais je suis moche, mais accro. Le mec, on lui demande de ramener un objet, ramène un portrait de lui. Mais non, mais c'est parce que je le veux plus. D'accord. Je le veux plus, je veux m'en débarrasser. C'est le seul truc dans ma chambre que je veux me débarrasser. Alain Delon est avec nous ce matin dans l'émission. N'importe quoi. On revient avec ça dans un petit instant. On va essayer de vendre les objets ce matin. On en parle avec vous. Et vous aussi, si vous avez des objets à vendre, n'hésitez pas. On fait une grosse enchère sur Énergie. Première fois en radio, je pense qu'on va. Affaire conclue. C'est tellement ça. Allez, on revient juste après. Vous nous dites 30-18 par SMS. Ou alors vous appelez Tiffany 0800-234-56. Je vous promets, on fait des enchères, on se vend quelques objets. Cool. Vraiment, c'est des trucs, on est là, on les vend. A tout de suite. Babe, don't make a sound. 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. I want that cruel love. Hell no, been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell no, nah, been waiting too long. Après les fils sur la route, les fils à la caisse. Mais oui, mais bon. Stressé encore non, merci. Je vais passer par une Kiwi. Des saucissons et du fromage. Des légumes déjà coupés. Tapenade. Pour très bien les accompagner. Merci Kiwi, grâce à toi on est sauvés. Arrêtez-vous aussi chez Kiwi pour vos achats de dernière minute. Un vaste assortiment de produits frais disponible jusqu'à tard le soir. Ah, vous êtes déjà là? Eh ben j'ai ramené l'apéro. Il est 7h02 sur Énergie, bienvenue. Il y a plus collé une coquille, je crois. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Ah, les coques de 2018, c'est plus ce que c'était. Hein. Dans un petit instant, Major Lézard côté hit est là, on s'informe et un point sur la météo. Des nuages et de la pluie, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Côté température, entre 9 et 13 degrés. On va jouer Où suis-je juste après. Avant ça, un point sur l'actualité de ce jeudi 6 décembre. C'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La Belgique soutiendra le pacte de l'ONU sur la migration. Hier, le Parlement a rendu un avis positif sur le texte. Le Premier ministre Charles Michel ira le présenter lundi au sommet de Marrakech. Rappelons que la NVA est totalement opposée au pacte protégeant la migration. À l'étranger, les funérailles de l'ancien président Bush auront lieu aujourd'hui aux États-Unis. Il s'agira d'une cérémonie nationale. De nombreuses personnalités seront présentes. Parmi elles, le président actuel Donald Trump. Barack Obama sera également présent. Enfin, en sport, en football, on connaît à présent l'affiche des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Malines affrontera Courtrai, Saint-Tron fera face à la Gantoise. Eupen jouera contre Ostende. Et puis l'Union Saint-Gilloise ou Knok affrontera Genk. Bon sang de bonsoir de Saperlipopette. Vous avez oublié quelque chose? Mais oui, les feuilletés pour mes vols au vent. Arrêtez-vous aussi chez Kiwet pour vos achats de dernière minute. Ouvert tard le soir. Avec Tovelo, on va écouter ça dans un instant. Ah, j'adore, il est très pépitasse, vraiment. On espère que toi bien ce matin. On démarre la journée ensemble, jeudi 6 décembre. Bonne Saint-Nicolas à tous. Ouais. Bonne Saint-Nicolas. Non, comment Bonne Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Mais et bonne fête à tous les Nicolas à la et, base. Évidemment. La Saint-Nicolas pour ça aussi. Bonne fête, patron. Eh ouais, ouais, c'est sa fête aujourd'hui au boss. Ah ouais. Il t'est pas passé nous déposer des chocolats. Aurélie, depuis 6 heures, elle est dégoûtée, puisqu'en effet, Saint-Nicolas n'est pas passé au bureau. Mais alors que normalement, il passe chaque année, et là, il nous a arnaqué. On a eu un commentaire sur la page des Fifous pour Aurélie qui dit bonne fête, belle Saint-Nicolas, ne t'inquiète pas, Aurélie, il passera le grand Saint-Nicolas, nous l'avons un peu retenu ici au boulot. Ah, voilà. Donc il est dans un autre bureau. C'est mais ça. Ça va pas, non? Moi, je veux le voir. C'est Magali qui me dit ça, donc. Ouais, bah Magali, forcez pas trop avec le Génépi avec Saint-Nicolas, parce qu'après, il va plus trouver la route. Hein. C'est un peu dangereux. Toute l'équipe est là, comme chaque matin. Il y a Tiffany au standard. Bonjour, Tiffany. Bonjour, il y a mon Jérém. Bonjour. Il y a Frisco. Bonjour, Marco. C'était quoi, c'est Stéphane Bern. Ah, un mélange entre Stéphane Bern et Michel Dardenne. Tout le monde aime papa. C'est magique. Aurélie Darena qui est là aussi ce matin. Bonjour. Bonjour. Dans un petit instant, je vous rappelle, on vend des objets. On a fait une mise aux enchères. On a les moufettes de Tiffany pour l'instant. Oh là là là là là. On a la spatule d'Aurélie de la rédac. Oh là là là là là là. On a le caleçon usagé de Jérém. Oh là là. Bah, il est quand même propre, hein, mais. Oui, oui, mais t'as pas encore heureux. On quand même plus que ça. Et on a un portrait de Frisco qu'on n'a pas encore découvert. Alors ça, j'ai hâte de le découvrir dans un petit instant. Restez là, ça sera après Major Lazer. On vous poste la photo et vous allez pouvoir acheter nos objets. Et si vous avez des objets à vendre, n'hésitez pas, hein, à faire conclu ce matin dans le 6-9. Major Lazer tout de suite et on joue au suis-je après. Some scars we share with white lies. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Saint-Nicolas, les enfants. Si on vous le dit pas aujourd'hui, on le dira jamais. Marshmello, c'est ce qui arrive dans un petit instant avec Happier. On vous rappelle qu'on fait une vente aux enchères ce matin. C'est à faire conclu dans le 6-9. Je vous le dis encore là pendant une petite demi-heure. Vous envoyez au 30-18 aussi si vous avez des objets à vendre ou même mieux, si vous cherchez un objet bien particulier. Ça peut être drôle aussi ça. Je suis à la recherche d'une poêle 32 cm, couleur rouge satin. Non mais qui sait, peut-être que tu vois, si on passe le message à la radio, il y a peut-être quelqu'un qui en a une, qui le vend et paf, tu vois. C'est toutes les personnes qui cherchent quelque chose ont un accent marseillais. Bref, 30-18 pour en parler avec nous. Marshmello avec Happier, on écoute ça dans un petit instant. Et là, nous allons jouer. Oui. Ouais. Où suis-je? Yeah. Où suis-je? C'est très simple. On prend une petite carte dans notre jeu et nous décrivons l'environnement où on est en fait, tout simplement. Ok. Et l'équipe doit trouver. Jérém, okay. Tu as les cartes en main. Okay. J'ai envie de dire, sois celui qui inaugure la séquence. Dis-nous où tu es. Tu nous mets un pouet-pouette. Pouet-pouette. Vas-y. Je suis un continent. Enfin. Ça ne nous regarde pas. Non, mais donc, je suis un espace continent. Ok. Ma surface couvre environ 14 millions de kilomètres carrés. C'est pas mal, ça. Les seules plantes sont des mousses et des lichens. Des lichens. Je suis le domaine des manchots empereurs. Frisco. Oui. Frisco. Des manchots empereurs, c'est l'Antarctique. Bonne réponse. Un point pour Fresco. Bonne réponse de Francesco Zida. Vas-y, balance mon nom. Pardon. Non, je déconne. Frisco, attends mon poulet. Normal. Alors, je suis un continent. Non, je déconne. Je suis un pays. Je suis le sixième plus grand pays du monde. Je suis un grand producteur de laine, de cuivre et d'or. Oh, mais oui. Non, toujours pas. Attends, attends. Ok, j'attends. Vas-y. Jérém ? Oui. Afrique du Sud ? Non. L'opéra de l'un de mes ports est une pure merveille. Oh, Stéphanie ? Ouais. Sydney ? Non. Oh là là. Mais ah, si, l'opéra de Sydney. J'ai accueilli deux fois les Jeux Olympiques. Ah, Marco ! Ouais. La Grèce ? Non. Bon, enfin. Mon parc maritime a été classé au patrimoine mondial. Aurélie ? Ouais. Les Pays-Bas ? Non, mais non, c'est le sixième plus grand pays du monde, les Pays-Bas. Mais non, mais c'est juste que, enfin, voilà. Jérém, oui. Australie. Oui. Mais c'est ça. Suis, hein. Ouais. Oh, mais je suis un pays. Tu me dis Sydney. Sydney, c'est pas un pays. Hein. Ouais, pardon, mais j'étais quoi. Mais non, mais parce qu'après vous partez dans tous des trucs alors qu'elle avait dit, hein, soit une partie. Oh de là là. Tiens, donne une carte à Tiffany. Qu'elle ne fasse pas un caca nerveux. Ouais, dis. Ah, dis. En plus, avec ma gastro d'il y a deux jours. Oh, pitié. 5 euros, on n'a pas besoin de savoir. Il y a des gens qui déjeunent, quoi. Mais oui, ouais, on parle d'incontinence et puis on parle de gastro, super. Allez. Et bon appétit. Ouais. On se trouve dans l'hémisphère nord. Hein. On est dans un pays. Ah, ben vas-y, cache ta joie. On est dans un pays d'Europe. C'est l'un des 7 royaumes européens. Marco, la Finlande. Non. Le drapeau. Ouf, je vais pas le dire. Bah oui. Bah si, le drapeau est bleu, blanc, rouge. Jerez. Ouais. Royaume-Uni. Non. Marco. Ouais. La France. Non, non. Frisco. Ouais. Les Pays-Bas. Ouais. Allez, je vous le dis. Ouais, c'est le roi de Guillaume d'Orange de. Non, ça c'est Guillaume d'Orange, c'était avant. Bah oui, c'est pas. Allez, tiens, pour Aurélie de la Rédac, on se fait un petit dernier avec Aurélie de la Rédac. Une petite carte pour Aurélie. Où suis-je ? Elle nous décrit la situation et on doit trouver où elle se situe. Alors, ça fait flipper ça. Je me trouve dans l'hémisphère nord. Je suis. Oh, c'est facile ça. Ah non, c'est pas facile. Alors. Je suis construit sur un rocher. Ah, Marco ! Vas-y. Oh, Monaco ! Non, c'est difficile en fait. Je me dresse sur un plateau de 156 mètres de haut. C'est pas les Frisco, c'est pas les trucs en Écosse là le. Mais ouais. Les, non. Je pensais à ça aussi, c'est pas ça. Hein, non. Oh mince. Alors, je suis inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, tu non. Pas. Je suis dédié à Athéna, Nice. Frisco en premier. C'est l'Acropole. Tout à fait. Mais oh, oui, bonne réponse, voilà. Bravo. Joli. Bravo. Attends, je voudrais dire un mot à Tiffany, j'ai gagné. Ouais, mais je trouve qu'il y a du favoritisme dans cette équipe parce que j'avais donné mon nom en premier. Mais on s'en fout. Mais non, il y avait déjà un point. Non, Frisco avait dit son prénom en premier. Eh ben, je serai plus rapide la prochaine fois. 5 euros pour mauvais choix. Ah, elle est riche aujourd'hui. 7h13, voici Marshmello sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've been. Come in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm Julien Doré, le duo. Ça va arriver dans un instant. Sur Énergie, évidemment. Loan, Julien Doré, on écoute ça dans quelques minutes. Il y aura du Carly Pouf aussi pour vous. Les 7 questions de la mort qui tue, ça va être énorme. Et puis surtout, restez là puisqu'on fait nos enchères. On va faire un petit direct Instagram même carrément. Allez, cool. Ah ouais, les fifous du 6-9. Pour nous retrouver sur Instagram, tout simplement les fifous du 6-9 sur Énergie. Enchères en direct, c'est comment ça s'appelle? Affaire conclue. Affaire conclue, ouais, affaire conclue ce matin, c'est ça dans le 6-9. On vend nos vieux objets, vous aussi si vous en avez. N'hésitez pas, hein. Et si vous cherchez un truc, n'hésitez pas non plus. 30-18 par SMS, on en parle avec vous juste après. Maintenant aussi pour la carrosserie. Et oui, Carglass répare désormais les gros dégâts de carrosserie de toutes les voitures, de toutes les marques, avec des pièces de qualité d'origine. Après un dernier contrôle professionnel de votre voiture, vous reprenez la route en toute sécurité. Et le prix, c'est celui du devis, pas un centime de plus. Alors, gros dégâts de carrosserie? Prenez vite rendez-vous sur carglass.be pour un diagnostic approfondi et un devis. Carglass répare, Carglass remplace. Maintenant aussi pour la carrosserie. Vous aimez la bonne musique? Mais vous écoutez seulement celle qui vous fait vibrer. Quel que soit le volume sonore, vous l'aimez encore plus fort. Vous donnez le ton. Vous bougez toujours à votre rythme. Ne vous contentez pas de l'ordinaire. Vous êtes extraordinaire. Soyez épique. Voici votre nouvel Audi A1 Sportback. Et son système audio 3D bluffant. Déjà disponible aux conditions salon chez votre distributeur Audi. Epic Mode On. It's the most wonderful time of the year. Oh, qu'est-ce qu'il y a la file? Les routes sont difficiles. Tout est bloqué en ville. It's the most wonderful time of the year. Avec les offres illimitées Orange, vous n'avez pas fini d'aimer Noël. Si vous aviez le choix, vous préféreriez un très beau chien qui bave beaucoup ou un chien très moche mais qui sait compter jusqu'à 1000. Heureusement, chez Renault, c'est plus facile de choisir. Nos conditions salon commencent dès maintenant, avec par exemple tous les breaks au prix des berlines. Choisir une voiture n'a jamais été aussi facile. Infos et conditions sur Renault.be. Aujourd'hui, Decathlon rend hommage à Roger. Pour les fêtes, Roger souhaite toujours une bonne santé à sa famille. Mais cette année, il a décidé d'en faire plus. C'est normal, je les aime. Et de leur offrir cette bonne santé. Il est donc allé chez Decathlon pour faire ses cadeaux. Son garçon a reçu des nouveaux skis. Wow. Et on en fera à deux. Sa fille, un snowboard. Wow. Et on en fera à deux. Et sa femme, des raquettes de neige. Moi, je voulais des raquettes de tennis. On peut échanger. Bravo à toi, Roger. Parce que le sport, c'est le plus beau des cadeaux. Viens chez Decathlon. Magasin ouvert ce dimanche sur Decathlon.be. Aldi est ce que certains en disent. On entend souvent du café Aldi, brouf. Pour un bon arôme, il faut choisir une marque chère et connue. Eh bien non. Chez Aldi, nous affirmons le contraire. Ça fait des années que des experts en café composent en exclusivité pour Aldi des mélanges uniques de grains de café issus des meilleures plantations du monde. Ça se goûte et des tests indépendants le prouvent. Vous en doutez? Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, goûtez vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Loan et Julien Doré en duo dans un instant. Il y a les 7 questions de la mort qui tue aussi qui vont arriver. Et puis on vous rappelle, hein, l'enchère, affaire conclue, c'est dans quelques minutes. Avant ça, un point sur les routes, Aurélie. Un accident s'est produit sur la nationale 98 à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre en direction de Ligny. Une bande de circulation est bloquée. Il y a pas mal de ralentissements déjà. 25 minutes de perdu sur le 40 entre Asseroad et Berthem. Sur le 411, comptez 29 minutes en plus entre Overijs et Oudorghem. Sur le ring extérieur, ça coince entre Mont-Saint-Jean et Waterloo. Ajoutez 18 minutes sur le ring intérieur entre Wautier-Bren et Huizingen. Vous ralentissez. Comptez 15 minutes en plus. Et puis au sud du pays, sur le 411, entre Stockheim et Esterpenich, comptez 30 minutes supplémentaires. Quelle est la radio qui vous fait sourire chaque matin? Eh oui! Eh oui! C'est Énergie! Il est midi sur novembre, et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence, nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, la pire en temps désert, crois-moi. descendre dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. Je tremble, tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. Sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Bienvenue sur Énergie, on espère que tout va bien, on est jeudi 6 décembre, on est en live sur Instagram, coucou les fifous, venez nous retrouver, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver sur Instagram, voilà on est là, bijoux. Tiffany vient de cracher ses poumons, mais à l'aise, tout se passe bien Tiffany. Mais oui, ça va. Alors pourquoi on est en live? Parce que nous allons faire une vente aux enchères, messieurs dames. Ce matin c'est affaire conclue dans le 6-9, chacun a ramené un objet dont il a plus envie. Tiffany, remontre-nous tes moufettes. Alors, des bonnes moufettes noires et blanches, avec un petit signe Inca, voilà. Super. Ouais. Alors, on a mis la photo sur les réseaux sociaux, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Là, pour vous qui êtes en live sur Instagram, vous mettez dans les commentaires à combien vous êtes prêts à acheter cette paire de moufettes. Alors, allez-y, hein. Il y a beaucoup de demandes, elles risquent de partir très vite. Les enchères démarrent. Beaucoup de demandes, mon cul. Avec un centime. Un centime pour les moufettes de Tiffany. Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ce sera moins? À vous de décider maintenant. Faites vos enchères. J'allais mettre une enchère et puis je me suis dit non, parce que je foutrais avec ces mouchettes. En plus, c'est foutu. Ouais, c'est ça. Mais à non, vous de voir. Vous voulez passer comme vous le sentez. Il y a Antoine qui nous dit 1, il y a Nonolich qui nous dit 2 euros, il y a Thibaut qui nous dit 3. Vraiment, ça, ça Thibaut. Monte. Ça va, Thibaut, avec 3 euros. Eh, mais Thibaut, il veut pécho, c'est tout. Ah là là, mais c'est pas possible. Attends, mais eux, ils ont pas l'odeur, ils ont juste l'image. Donc ils se disent ça va. Il y a Nonolich qui dit 8 euros. 8 euros, mais non, non. Je sais pas, il a mis 8, du coup je pense que c'est 8 euros, il a pas mis euros à côté, mais. Combien centimes? Il y a Sophie qui dit 10! 10 euros, allez! Je sais, une fois! Nonolich qui dit 14, les gars! Oui, mais centimes, on a commencé à dire. Mais oui, un centime, on parle de centimes! Ah, de centimes! Ouais, 10 centimes alors! Moi je m'en bats là! La bonne blague! Attention, 15e objet mis en vente ce matin. Et continuez les enchères, hein. 15, c'est ouais, Sophie. Mais mettez le nom alors, genre Tiffany, et puis à côté 15. Il y a Claude qui dit 1 euro, Claude 1 euro, Claude une fois, Claude deux fois. Et il y a Lucas qui dit 20 balles. Ouais, les gars, vous pétez les plombs. On vous envoie Tiffany, mais c'est, euros, hein. Mais c'est ça, c'est plus cher que ces moufettes, les gars. Attention, le deuxième objet ce matin. Si elle se démaquille, j'achète. C'est le caleçon de Tiffany. Le caleçon de Jérém. Oui. Alors comme ça je vous explique, c'est un caleçon avec des cœurs. Si vous êtes dans votre voiture, il est déchiré parce que je l'ai reçu vers 15-16 ans. Et t'as grossi. Non, je sais encore le mettre, c'est ça le pire, parce qu'il s'est détendu. Et alors, pour la petite anecdote, je suis né le 13 février. Et donc c'était un cadeau, genre tiens, c'est pour ton anif et en même temps Saint-Valentin. Je me demande si c'est pas ma première petite copine ou qui me l'a offert ou quoi. Et donc je le mettais juste pour dormir, et quand j'étais en pénurie de caleçon, je le mettais, mais j'essayais de le cacher, évidemment. Voilà. Alors, à combien vous voulez acheter ce caleçon? Mettez le prix maintenant dans les commentaires sur le live Instagram. Oui, il y a des gens, ils mettent 100 euros, mais... Ah, il est propre. Noah nous dit 100 euros, Antoine nous dit 4 euros. Il y a Rome qui dit 1 milliard, à mon avis. Vous êtes fous, les gars. Il y a Manel aussi qui est là sur le live, Théo. Bisous, les copains. 10 euros, nous dit Beaker Boy. C'est cher, quand même. Et attention, on finit cette affaire conclue ce matin avec notre objet fétiche. L'objet de la vente, messieurs, dames. Cette vente n'aurait pas eu lieu si cet objet n'était pas là, d'ailleurs. Vous n'êtes pas prêts. Frisco nous a ramené ce matin un portrait de lui. Ouais. Magnifique portrait. Oh là là. Oh, on dirait Laurent Voulzy. Oh non, on dirait pas Laurent Voulzy. Allez voir sur Insta. Non, c'est horrible. Frisco, 28 ans, sur Energy depuis maintenant 3 mois. A perdu son boulot. Frisco a perdu son boulot à cause d'une caricature ratée. Non, je trouve que ça va. Bah écoute, si tu le dis. Eh ben non, oui. Non, c'est moche. À combien? À combien? J'adore ce que tout le monde est mort de rire sur le live. À combien vous démarrez les enchères pour le 4 de Frisco? Harrington qui nous dit 10 000 euros. Merci beaucoup. On a Saint-Nicolas qui passe pendant ce temps-là, ouais, dans le studio. Ouais, mais j'ai du chocolat. Elle est plutôt bombe, hein, Saint-Nicolas. Elle est plutôt, Saint-Nicolas est plutôt jojo. Ah, et la boîte est merveilleuse. Oui, on se calme. Elle a encore un peu de barbe, mais ça va. À combien démarrez-vous l'enchère? 20 euros. Cela n'a pas de prix, nous dit Ferris. Ah non, mais clairement, vous savez quoi, on met Charlie Pouf. Cette enchère n'est pas finie. Restez sur le live Instagram. On continue cette enchère juste après. Charlie Pouf, on revient. Et les 7 questions de la mort qui arrive sur l'énergie. Bienvenue. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Just for show, yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? Les enfants à 7h30 et les 7 questions de la mort qui tue, ça arrive pour la suite. On est en retard, à tout de suite. Toi, non, mais toi. toi, non mais sur Énergie, voici un point sur l'actu. Avant ça, la météo pour aujourd'hui. Des nuages et de la pluie, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Côté température, entre 9 degrés en Haute-Fagne et 13 degrés partout ailleurs. On s'informe, l'actualité de ce jeudi 6 décembre, et c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le Parlement soutient le fameux pacte de l'ONU sur la migration. La majorité des partis a voté pour le texte hier. Sans surprise, l'ANV a voté contre. Lundi, Charles Michel ira donc bien à Marrakech. C'est là qu'aura lieu une conférence internationale. Le Premier ministre présentera l'avis rendu par le Parlement. Ça veut donc dire le soutien de la Belgique au pacte. Le sujet divise le gouvernement depuis quelques semaines. La NVA est totalement opposée au pacte protégeant la migration. Bruxelles va lutter contre la dépendance à la drogue. La région compte ouvrir un centre de traitement de la toxicomanie d'ici 2023. Ce centre sera accessible gratuitement et de façon anonyme. Il comprendra un accueil de jour et un accueil d'urgence qui permettra de suivre les personnes dépendantes pendant une dizaine de jours maximum. Toutes pourront bénéficier de consultations médicales, de conseils et de soutien. Le centre proposera aussi un hébergement et un comptoir d'échange. Les toxicomanes pourront échanger leur matériel usagé contre du matériel stérile, ce qui permettra de limiter la transmission de bactéries et de maladies. Voilà une belle action pour le patron de Facebook. Via son organisation, Mark Zuckerberg fera un don à des chercheurs belges. Il versera en 3 ans 1,05 million de dollars à une équipe travaillant sur les maladies neurodégénératives et leur traitement possible, en particulier la maladie de Parkinson. On passe au sport. En football, on a l'affiche des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Malines affrontera Courtrai. Saint-Tron fera face à la Gantoise. Eupen sera opposé à Ostende. Et puis l'Union Saint-Gilloise ou Knok affrontera Genk. L'Union Saint-Gilloise et Knok qui s'affrontent ce soir à 20h45. Les quarts de finale auront lieu du 18 au 20 décembre prochain. L'info énergie. 7h34 comme tous les jours, une petite info énergie sympa. On parle de quoi ce matin ? Eh bien, je vais vous parler d'une petite ville américaine qui s'appelle Severance. C'est dans le Colorado. Oh ! Yeah. C'est juste à côté du Massachusetts. Ouais, c'est entre le Massachusetts et le Connecticut. Et juste après de l'Alabama. Pendant près d'un siècle, la petite ville de Severance dans le Colorado a interdit, écoutez bien, les batailles de boules de neige. Oh, dommage. Ouais. Et il y a un petit garçon, il a 9 ans, il s'appelle Dane Best. Je tiens à vraiment l'applaudir et le féliciter. Il a défendu les batailles de boules de neige et il est allé cette semaine voir le conseil municipal et il a demandé en fait de lever l'interdiction des batailles de boules de neige. Et il a eu gain de cause. Ouais, oui, bravo, bravo. Ouais, ah bah donc, oui. À 9 ans, il a trouvé les mots justes en fait pour convaincre tous ces adultes. Et voilà, c'était une très très chouette histoire, c'était tout mignon. Mais ne pleure pas. Mais non. Mais non, mais je trouve ça tellement beau et c'est vrai, c'est une tradition les boules de neige. Bah oui. Les boules de neige dans la tronche, il y a rien de mieux. Enfin, oui, nous en Belgique, c'est des boules de terre, mais il y a pas de problème. C'est sympa ici, on se marre beaucoup avec ça. Oh, pavé, bam. Il a quand même promis. Le petit garçon, il a remercié tout le monde et puis il a dit que ok, je ferai attention, je vais pas viser les fenêtres. Mais il va viser par contre son petit frère. Il a bien raison. Ah, vivement la neige, ça me manque une petite bataille. Ouais, faire ça et un petit bonhomme de neige. On fera ça d'ailleurs dès qu'il neige. Ah ouais, bah d'office, on fait le plus beau bonhomme de neige possible. S'il neige, oui, pour l'instant, on n'y est pas. Merci Aurélie. Je t'en prie. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. C'était. c'est la première fois que vous venez ici? Non mais vous êtes fous. Vous faisiez comment pour vous réveiller avant? Le 6-9 sur Énergie. C'est jeudi, 6 décembre, il est 7h36. Bonjour! Bonjour! On espère que toi bien ce matin. Dans quelques minutes, c'est les 7 questions de la mort qui tue. Cool. Et comme chaque matin, on est là avec vous pour vous accompagner jusqu'à 9h. Frisco. Ouais. C'est la radio de ta mère, donc vas-y, passe ton message. Bon anniversaire Nina, c'est ma cousine, elle a 14 ans. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire. See your sad and teary eyes, you look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Malone, le nouveau Post Malone, il est une tuerie. J'adore vraiment. Nouveau Post Malone, Sunflower, c'est ce qui va arriver sur Energy. 7h39, voici l'heure de se marrer tous ensemble et de jouer avec les 7 questions de la mort qui tue. Et qui vient jouer ce matin avec nous? C'est Donovan qui travaille comme producteur de châssis chez Sésame. Il aime le foot et il est supporter du Standard de Liège. Ouais. Il est de nature généreuse et puis sa musique préférée c'est Jaloux de Dadju. Et puis il adore manger des pizzas. Ah, la pizza. Oh, une pizza ce midi. Oh. Oh. Non, pourquoi les gars, non. Oh, non. Mais toi, t'es le chiant de l'équipe. Hein. Il veut jamais, lui, toujours manger des crudités, des petites salades. Oh là là, il me saoule. Genre, j'en peux c'est plus. On peut jamais manger gras avec toi. Bah, quoi. Tu sais quoi, pour ta peine, on ira manger un durum. Voilà, même pas une pizza. On va dire manger encore plus gras. C'est la semaine de la frite, les gars, c'est tout. Et en plus, le mec, hier, on vient à la maison, on fait un truc à la maison hier midi. Moi, je voulais faire un truc sain, hein, un petit truc sympa. Et ben lui, non, il arrivait avec son plat de fromage, jambon, fromage, sauce gratiné. Bah, c'est gras. Bah oui, donc gratiné, il y a gras. Bah, tu vois, je fais pas, on mange pas de des chiens là. M'en fous, je la mangerai tout seul, ma pizza speedy. On va jouer avec toi, Donovan, aux 7 questions de la mort qui tue. Alors, c'est pas toi qui vas jouer parce qu'il y aurait de quoi tricher, je vous dis vraiment. Mais tu vas pouvoir choisir quelqu'un de l'équipe qui va devoir répondre à ces 7 questions. Après qu'on les ait posés, en fait, tout simplement. On pose les 7 questions, il faut retenir les 7 réponses, et voilà. Sinon, ça va bien, Donovan? Ça va et vous? Bah oui, bonjour. Oui, ça va, bonjour. Tu vois, tu t'excites sur ta pizza, tu oublies de dire voilà, bonjour bah à oui. Donovan. On commence par la base, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, très très bien aujourd'hui. Très chouette, c'est le jeudi. Donovan, tu as envie de jouer avec qui ce matin? Qui veux-tu qui va retenir toutes ces réponses? Oui, tu n'es pas très confiant. Je vais faire confiance à Jérém. Jérém? Oula, tu fais confiance à. T'as pas peur, toi. Oh, cette question de la mort qui tue, moi. Au poisson rouge de l'équipe. Je suis pas le meilleur. Allez, pour Donovan, je vais essayer. Concentration. Donovan, et vous tous aussi, FIFO, vous pouvez jouer avec nous ce matin. Jérém, voici les 7 questions de la mort qui tue. Vrai ou faux, on appelle une porte-fenêtre parce que ça vient de l'expression c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Fais-moi ton plus beau cri d'un aigle en chasse. Quel jour de la semaine ne se termine pas par di. Dans la cantine pour enfants, une souris verte, attrape un bac. Elle court où, la souris? Attends. Reste 30 secondes. Ok, vas-y. Qui pèse plus lourd entre Tiffany et un kilo de plume? M'étonne. Pour se maquiller, les filles utilisent un pot de peinture ou un pot de poudre? Si je dis bonjour mais qu'on est le soir, je dis... Oula! C'était chaud, hein. C'était chaud, chaud, chaud, cacao. Faux! Ah oh non! Dimanche rouge. Ouais. Dimanche. Allez! Dans l'herbe! Tiffany! Poudre! Ah non, c'est le dernier! Non! Ah non, hein! Qu'est-ce qui c'était quoi le dernier? Il est 7h sur Énergie. Bonsoir! Mais oui! Oh, il m'a fait peur! Et première fois que je gagne, je crois, ce jeu. Il m'a fait peur, oui, c'est vrai, bravo. Bravo. Le poisson rouge est en train de devenir... Ouais, je sais pas. Un autre poisson. Pas mal. C'est un rouge et rouge. C'est un rouge et rouge. Eh ben bravo Donovan, tu as fait confiance à la bonne personne ce matin. Je suis fier. Merci beaucoup. Avec grand plaisir Donovan, du cadeau pour toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir entre la dernière compil énergie, des places de cinéma ou notre enceinte Bluetooth? L'enceinte Bluetooth, allez. L'enceinte Bluetooth, et on t'envoie ça à la maison, Donovan. Bisous à toi, mon pote. Bisous. Bonne journée. Bisous aussi à toi, Donovan. 7h43, voici Post Malone. Ah, j'aime bien les 7 questions de la mort. Ouais, c'est stressant. Tu sais que je stresse, hein. Ah, mais j'imagine. Mais j'imagine, le cœur palpite. Ah, oui. Calme-toi, c'est fini. Voici Post Malone, le nouveau sur Énergie. Bienvenue, bonne matinée. Malone sur Énergie. Ça aussi, vous allez adorer le 11 décembre, il est avec nous. Hey, basique. Vous gagnez vos places pour la Énergie Live Session exclusive. Vous n'avez pas les passes. D'Orelsan. Ouais, vous avez bien entendu, Orelsan va être avec nous dans les studios d'Énergie le 11 décembre prochain. C'est mardi dans quelques jours en fait. Ouais. On va vite y être. Waouh, ça va être énorme. Live session en toute intimité, puisqu'on va être une petite cinquantaine, pas plus. Hein. Trop bien quoi. C'est dans le studio Énergie, on est à la cool entre nous. Et Orelsan sera là au aussi avec vous. Et vous allez peut-être pouvoir venir ici dans le studio Énergie pour passer votre votre soirée avec Orelsan le 11 décembre prochain. Pour ça, il faut retenir la phrase Énergie. Prêt à noter chez vous. Attention, on ouvre les guillemettes. J'écoute le 6-9 sur Énergie chaque matin. Voilà, ça c'est la phrase, vous la retenez, vous la notez quelque part. Vous pouvez l'écrire sur votre main même s'il faut. J'en sais rien, mais retenez-la vraiment. Puisque si on vous appelle, il faut la répéter. Et vous gagnez vos deux invites, inscrivez-vous. Energie.be et l'application Énergie Belgique. Ça va tomber aujourd'hui hein. Et ça va tomber, ah oui, aujourd'hui, bien vu. Ça va tomber aujourd'hui. Bien vu. Je dis ça, je dis rien. Yéla. Soyez attentifs. Concert ouais. Ultra privé d'Orelsan avec Énergie et avec vous les fifous. Ouais, j'allais dire on appelle en numéro masqué hein. Il y en a plein qui répondent pas en se disant c'est une pub, ben non. Non, non, non, oui c'est vrai, il faut répondre. Numéro masqué, c'est Tiffany qui appelle. Ou, ouais. Les, ou les autres. Ou les autres, ouais. Voilà. vengeuse masquée. Bon, ça serait pas mal que tu sois masqué au final. Ça c'est méchant. Je plaisante. Ouais, c'est un dans la cagnotte. Oui, ça non, c'est de la méchanceté. Non, c'est de la méchanceté gratuite. 10 euros. Autant, non, 5 euros. Vous dépouillez. 5 euros parce qu'on a rigolé. Ouais. Quand on y croit un peu. Oui, parce que c'est un peu drôle. Mais. Allez, inscrivez-vous à Energie.be, l'application Énergie Belgique, pour voir Orelsan en concert ultra privé la semaine prochaine, le 11 décembre chez Énergie. Salut, c'est Brokenback. Salut, c'est Klingon. Quand Klingon et Brokenback font leur retour en Belgique, c'est sur Énergie. Énergie, Afterwork. Vos DJs préférés s'invitent en Afterwork sur Énergie toute l'année. Rendez-vous ce soir à 19h chez Énergie pour un mix live de folie avec Klingon et Brokenback. Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. Baz présente les aventures de... Tata Doggy Bagman, plein de data vont être perdus à la fin du mois. Impossible, je vous emmène tous au mois suivant. Oui, mais il y en a beaucoup, hein. Eh ben, je prendrai la data Doggy Bag mobile. Ah. Ou alors je prends le data Doggy Bag camion. Oh. Non, non, je sais, je prends le data Doggy Bag camion et une grosse data Doggy Bag remorque. Oh. Chez Baz, pour 20 euros par mois, vous avez les appels illimités vers tous les réseaux et 3 gigas. Et comme toujours, j'emmène vos restes de data au mois suivant. Conditions sur Baz.be. Baz. Oh, la magie de Noël. Oh, la galère de Noël, tu veux dire. Quoi, les cadeaux? Ben ouais, pas toi. Ouais, le truc, c'est d'ajouter une touche personnelle. Offre quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est ce que je dis, la galère. Sur smartphoto.be, tu peux réaliser une boîte à biscuits personnalisée pour ta mère, avec les photos de ses petits-enfants. Ah, pas mal. Et pour ton homme, un mug avec... Quoi, ma photo? Non, la photo de sa moto. Pour toutes mes photos et hop, smartphoto.be, c'est top. Vive la magie de Noël. Sur smartphoto, des cadeaux originaux. Pour tous. Chez Colruyt, vous êtes certain de profiter des meilleurs prix, même quand d'autres magasins font des promos. Nos clients témoignent. Si les autres magasins font une promotion, alors Colruyt s'adapte assez rapidement. Ils contrôlent un petit peu tous les jours les prix de chaque magasin, les listes, et quand ils voient le moins cher, ils adaptent leur prix. J'ai vraiment bien comparé et j'étais très étonnée. Même sur les promos, ils veulent être les premiers, quoi. Ça m'économise du temps et de l'argent. Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. Loulou. Oui. Tu peux me dire ce que tu as? Rien. Pourquoi t'arrêtes pas de chantonner alors? Non, c'est rien, je te dis. Je te crois pas. Tu sais qu'on n'a pas de secret l'un pour l'autre, d'accord? Ok, bon, c'est Mercedes-Benz. Quoi, Mercedes-Benz? Ils ont commencé leur condition salon. Oh, tu m'as fait peur. On y va? Chez Mercedes-Benz, profitez dès maintenant de nos conditions salon. Des prix exceptionnels sur les modèles Sport Edition et des primes de reprise super attractives. Rendez-vous sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Action soumise à condition. Chez Switch, les produits Apple sont fournis avec accès gratuit au programme Boostez votre cerveau et vous profitez de 6% sur tous les Mac. Switch, upgrade life. Conditions sur switch.be. Hé, hey, bleu! Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Dans un petit instant sur Énergie, je vais vous donner, pardon, un top 10 des filles. Oh là là! Ah, oulala! Deux secondes, je m'étouffe, je reviens, je meurs et je reviens. Le top 10 des films, en fait, qui ont été faits, mais basés sur des idées reçues. Ah, okay. Fausses, complètement fausses. Des trucs, genre les dents de la mer, les requins et tout, je vais vous expliquer que, ben, bon, peut-être pas carasser un requin, mais on n'est pas loin. On parle de ça juste après, Léa Passy, un petit point sur les routes, Aurélie. Il y a toujours cet accident sur la Nationale 98 à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre en direction de Ligny. Une bande de circulation est bloquée. Sinon, pas mal de ralentissements à signaler sur le 40. 41 minutes en plus entre Asseroad et Woluwe-Saint-Etienne. Sur le 411, comptez 32 minutes en plus entre Overijse et le carrefour Léonard. Sur le ring extérieur, vous ralentissez entre Waterloo et Oulart, comptez 30 minutes en plus. Sur le ring intérieur, vous perdez 31 minutes entre Wautier-Bren et Bercel. Sur le 19, ça bouchonne entre Ville-sur-Aisne et Nîmes-Mézières, vous perdez 16 minutes, 26 minutes de perdu toujours sur le 19, entre Saint-Guilain et Nîmes. Et puis au sud du pays, sur le 411, comptez 35 minutes supplémentaires entre Stockholm et la frontière avec le Luxembourg. Stéphanie, je crois. Stéphanie, quand même. Non, évidemment. La frontière avec le Luxembourg. Elle fait des variantes. Du temps, on attend, on s'y bat maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. Une marraine, on a déjà un parrain et maintenant ce sera des cousins-cousines. On ne confond pas la famille. Voilà. Non, c'est mon petit coup de cœur. Hein. Parmi les invités qu'on a eu, c'est mon petit coup de cœur. Vraiment choupette et. Ah bah elle est adorable, vraiment. Moi aussi, elle m'a perturbé, c'est pas que j'aime. Hein. Elle a perturbé tout le monde. Même le stagiaire qui m'a regardé à un moment donné pendant l'émission, il me fait elle a 22 ans et il se regarde, il montre lui, tu vois, genre j'ai toutes mes choses. Alors qu'il avait un vieux pyjama sur lui ce moment-là. Ouais, tu peux faire don de la tête, hein, Thomas. Si, on t'a grillé. Si, on t'a grillé, que tu voulais la choper. Hein. Dans un petit instant sur Énergie, il y a Calvin Harris qui va arriver. Avant ça, je voudrais vous faire un petit top sur des films en fait qui sont basés sur des idées reçues mais complètement fausses de chez fausses. Ah, Fight Club. Non, ne me ruine pas. ce film. Alors déjà, je vous assure, en lisant la news, j'ai appris un truc Fight Club. Je pense qui a vu Fight Club dans l'équipe? Moi. Tout le monde? Tiffany? Non. Ah, Tiffany, Jérém, vous avez pas vu? Ils ne connaissent rien. Ouais. Il va falloir le voir, les gars, parce que ça, c'est quand même. C'est une tuerie. C'est un film de dingue du cinéma. Fight Club avec Brad Pitt. Et ben, alors déjà, je vous apprends peut-être ça. Mais en fait, donc c'est un film qui est quand même basé sur la schizophrénie, en fait. Ouais, clairement. Et si tu veux, le Brad Pitt. Ouais. En fait, il découvre que c'est son meilleur copain dans le film. Mais surtout, il découvre que c'est une de ses personnalités, en fait. Donc, tout ça n'existe pas. Mais oui. C'est un Ah, bah, j'avais jamais compris le truc comme ça. Oh, je pensais que j'allais annoncer un truc de dingue. Bah, moi aussi. Mais là, tu viens de me spoiler. Tu dis, il faut aller le voir et maintenant je. Ah non, bah, je t'ai rien spoilé. Je te dis ça, t'inquiète pas. Si je vous parle, par exemple, dans beaucoup de films, il y a ça, même dans Tintin, tu sais, le truc où ils te mettent un mouchoir avec du chloroforme comme ça. Ouais. Et ça dure deux secondes et le truc, le mec tombe dans les pommes. Oui, ouais. Pour endormir le gars. Faux! Moi j'aurais dû reprendre le faux de Norman, ça aurait été génial. Et ben non, ça ne marche pas. Voilà. Comment ça? Bah, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas tu te mets du truc sur le nez, hop, deux secondes et puis tu tombes dans les pommes. C'est vrai? Non, c'est faux. Ils nous mentent. Ils nous mentent. Mensonge! Menteur! Calembour! Dans le film Léon, enfin, c'est à peu près dans n'importe quel film d'action. Hein. Oh, j'adore le film Léon. Ah, il est magnifique avec Jean Reno. Ouais. Le silencieux, vous voyez le flingue, le silencieux quoi. Il fait juste un petit bruit, tu vois. Un petit bruit de rien du tout. Ouais. Faux! En fait, au niveau décibels, on passe de 170 décibels à 120 décibels. Donc 120 décibels, ça reste oui, c'est ça. Un bon coup de pampan, quoi. Bon, tu vois, c'est pas piou comme dans les films comme on voit. Ouais, donc silencieux de rien du tout. En silencieux fait. De rien du tout. Bêtise. Ah bon? Ouais. Dans les films aussi, souvent dans les films de western ou quoi, ils prennent une cigarette, tu sais, ils la jettent comme ça sur une traînée d'essence et puis tout s'enflamme. Ouais. Faux. Elle s'éteint, la cigarette. Évidemment qu'elle s'éteint. C'est vrai? Voilà, bon, faites passer à une station service. Hein. Oui, j'allais dire, ne testez pas, genre testez le mec. Pas chez vous. Il est en train de faire le plein. Bon, je vais tester, voir. Dans le cinquième élément, on nous montre des explosions dans l'espace. Vas-y, qu'il y a du bruit. Vas-y, qu'il y a du feu. Vas-y, les voitures ne volent pas. Faux. Mais non, mais comme il n'y a pas d'air et que, le son se déplace avec l'air, ben, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Pas d'air, pas de feu, pas de feu, pas de bruit, pas de bruit, pas d'air. Voilà, c'est aussi pas simple. Pas d'air, pas de palais. Et pas d'air, pas de paix. C'est sûr, tu devrais aller dans l'espace, toi. Jérém, ça nous ferait du bien. Désolé, mais c'est vrai. Je vous parle des Vikings. On les voit souvent avec des cornes sur la tête. Ouais. Faux! Ils n'avaient pas de cornes sur la tête. C'est une mythologie. Oh, j'adore son faux. Les dinosaures. Ouais. Jurassic Park. Oui. Faux! Il sonne pas, ça. Non, pas du tout, mais vraiment. En plus, le vélociraptor, il a des plumes. Et il n'y a pas du tout de plumes dans Jurassic Park. Non, c'est vrai. Il a des plumes. Il a des plumes, ouais. Il a des poils dans Jurassic Park. Il a des écailles. Oui, c'est. Enfin, non, mais c'est normal, il était invité à l'émission de Patrick Sébastien qui a annulé au dernier moment. Et c'est pour ça qu'ils avaient laissé les plumes sur. Allez, très rapidement, je finis avec celui-là parce qu'on l'a tous vu, Les Dents de la Mer. Ouais. Et évidemment, qui a quand même convaincu tout le monde que les requins étaient des salopards, hein, ouais. qui faisaient mal, qu'ils étaient méchants. Et ben, sachez que le requin tue moins de gens chaque année que le chat. Oh purée, tu rigoles? Non, vraiment. Ouais, mais ça, il faut pas aller bouffer au restaurant, hein. Pour le chat. C'est crade. Duel Énergie, ça arrive dans un instant, bougez pas. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just try to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Eyes are wide, that's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. Lean into me, when you're broken in. For air, there's a deeper feeling that this life's not fair. I know. Lay your worry down on me. Lay your worry down. Lay your worry down on me. Lay it down. nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui ont du mal à... démarrer le matin. Alors jusqu'à samedi, dans tous les magasins Carrefour, toutes les variétés de café de la marque Carrefour sont en 2 plus 1 gratuits. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Voir conditions en magasin. Il est 8h01. Bon jeudi, bonne Saint-Nicolas les enfants. Et les grands enfants aussi. Hein. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. C'est le retour du duel énergie avec, je l'espère, je le souhaite de tout cœur, un nouveau maître ce matin. Ça fait quand même depuis le début de la semaine qu'on n'en a plus. Un point sur l'actu et la météo pour aujourd'hui, Aurélie, ça donne quoi? Ça donne des nuages avec de la pluie, des températures entre 9 et 13 degrés. On s'informe avec la rédac, l'actu de ce jeudi 6 décembre, et c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. C'est une bonne nouvelle pour votre portefeuille si vous habitez en Wallonie. L'électricité devrait coûter moins cher dès l'année prochaine. Le régulateur wallon de l'énergie vient d'approuver les tarifs de distribution jusqu'en 2023. Et donc en Wallonie, la distribution représente un tiers de votre facture. Les nouveaux tarifs seront moins élevés dès le 1er janvier. Seuls les clients d'Aurès devront attendre jusqu'au 1er mars. La Belgique soutiendra bel et bien le pacte de l'ONU sur la migration. Le Parlement a rendu un avis positif sur le texte hier. Le Premier ministre Charles Michel ira donc le présenter ce lundi au sommet de Marrakech. Rappelons encore que la NVA est totalement opposée au pacte qui protège la migration. Enfin, en sport, en football, on a à présent l'affiche des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Malines affrontera Courtrai, Saint-Tron fera face à la Gantoise. Eupen sera opposé à Ostende et puis l'Union Saint-Gilloise ou Knok jouera contre Genk. L'Union Saint-Gilloise et Knok s'affrontent ce soir à 20h45. Les quarts de finale auront lieu entre le 18 et le 20 décembre. Nom de nom de nom de nom. Vous avez oublié quelque chose? Mais oui, du gruyère pour mon gratin. Arrêtez-vous aussi chez Qwait pour vos achats de dernière minute, ouvert tard le soir. Chaque matin, on est là pour démarrer la journée avec vous. 8h04, bonjour! Bonjour! L'alliance sur votre terre. Funky! Eh oui, c'est jeudi. Jeudi. Funky! Eh, ça fait plaisir, ça, comme son, à écouter. Hein. À fond! Alliance ethnique. Vous pouvez faire d'ailleurs faire votre playlist hein, si vous avez envie de kiffer comme ça des sons, des hits que vous aimez bien. Playlist partagée tous les jours à 9h, entre 9h et 10h et entre 20h et 21h avec Tanguy et Flo qui vous servent. Tous les jours votre playlist, allez faire la vôtre dès maintenant, c'est sur energie.be. Comme chaque matin, toute l'équipe est là, y'a Tufani. Ouais, bonjour. Il y a de quoi avoir le Bienvenue sur Energie, c'est Tiffany, au téléphone. J'en peux plus d'elle. Chacun me fait un petit truc comme vient de faire Tiffany pour bien démarrer la journée. Il y a aussi... Jérém. Ouais, vas-y, bonjour, branche-toi sur Énergie. On est de plus en plus sur Instagram. On arrive même aux 9000. Bonjour à Caro, bonjour à Edouard. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie, sur Insta. Merci de nous rejoindre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a aussi Frisco. On est là tous les jours sur Énergie. On est là, t'as vu, on est là. Je sais pas quoi dire, je suis nul. Là, il y a le duel qui arrive bientôt. Ah, inscris-toi, duel par SMS au 78. Il y a Marco. Et voilà, je suis au mauvais moment du morceau, c'est chouette. Matin, on est sur Énergie avec la bande de Fifou, Tiffany et Jérémy. Il y a Frisco et aussi Aurélie. Et c'est tous les matins ici sur Énergie. Dédicace, oh, le mec qui fait des vins. Aurélie de la rédac avec nous aussi ce matin. Eh, hey, bonjour. On va s'arrêter là, ouais. Dans un petit instant, c'est le duel énergie qui va arriver à 8h05. Un duel, alors on a arrêté les bêtises. C'est un duel spécial 2015 ce matin. Artiste de 2015. Du récent, quoi. C'est pas très très vieux. Et normalement, ça devrait se passer. On devrait avoir un maître si tout se passe bien. A tout de suite. Now they judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm heating up, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Voilà. 8h08 sur Énergie. Donc voilà, discrétion suprême de Tiffany. On l'entend à peine dans ce studio, c'est incroyable. Le nouveau Camille Cabello pour vous ce matin. That's the consequences. J'adore. Le nouveau Camille Cabello sur Énergie qui arrive dans un petit instant. Avant ça, comme chaque jour, c'est notre jeu adoré. Voici le duel Énergie avec jeu. Pitié, un nouveau maître, s'il vous plaît. Le duel Énergie. On vous rappelle que depuis lundi, nous n'avons plus de maître du duel. Ça, c'est quand même une première dans l'histoire du duel Énergie. Ça veut dire qu'en 15 morceaux, aucun n'a été trouvé. C'est ça, exactement. Tu es bon en maths, Jérémy. Ah ouais, 5 x 3, 15. 5 x 3, 15. En effet, on n'a toujours pas de maître du duel. Aujourd'hui, jeudi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Quand même, j'espère que Marine ou Maxime va savoir se débrouiller. Oui, alors il y a Marine qui travaille comme psychologue dans un hôpital à Charleroi et dans des équipes mobiles, donc ça veut dire qu'ils vont à domicile chez les gens. Elle fait beaucoup de sport, surtout du fitness. Elle fait depuis une dizaine d'années. Elle vient de finir la série Narcos sur Netflix et puis elle adore les pâtes et elle est fan de la cuisine italienne en général. Ah bah je peux comprendre. Une des meilleures cuisines au monde. L'une. Oui. Je sais pas que c'est la meilleure, mais c'est l'une des meilleures cuisines au monde. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Marine ce matin dans le 6-9 et dans le duel énergie. Tu vas pas être seule Marine puisque Maxime va aussi vouloir sa place de maître du duel. Et oui, et Maxime, ça va te faire plaisir Jérémy, puisqu'il est étudiant en dernière année pour devenir prof de maths. Heureusement tu sais calculer. Il est arbitre de foot en province du Béarn. Il représente. En ce moment, il regarde la dernière saison de la série The Walking Dead et puis son plat préféré, c'est la lasagne. Sa musique préférée, attention, c'est la dernière de Sopran Baba, dédicace à la vie, à l'amour. Alors, fais gaffe Marine parce qu'il va te mettre une calculette dans la tronche en 2-2, il va être maître du duel aujourd'hui et bim. À chaque fois, je pense à tous ces gens qui sont dans leur voiture et qui font mal, complètement folle. Oui, mais bon, s'ils me croisent aux émissions en public, ils verront que je suis normale. Oui, que t'es folle. Non, t'es complètement taré. Maxime, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Maxime et Marine, vous allez vous affronter dans un duel spécial 2015 ce matin. C'est l'année qu'on a choisie. Vous allez voir, c'est facile. Il me faut l'artiste, tout simplement. 5 extraits, 100 euros par extrait. Il y a jusqu'à 500 euros à gagner ce matin. Et vous l'avez compris, cette règle, tout le monde la connaît maintenant. Votre buzzer, c'est votre... Blouson. on l'a fait. Ouais. Votre buzzer, c'est votre blouson. Maxime. Prénom, ça sera mieux. Parce que ton blouson, on va pas l'entendre. Non, mais tu fais des bonnes vannes. C'est pas mal. On n'a pas une cagnotte, Fifou. Si, Si, il y a eh déjà ben 5 euros. T'en rajoutes, c'est pour Maxime. Maxime, Marine, bonne chance. Voici le premier extrait de ce duel. Maxime. Maxime, on t'écoute. Sia. Sia, nous dit Maxime. Eh non. Non. Bien essayé. C'est pas Sia, bien essayé, mais c'est pas ça. Une petite idée, Marine? Non, aucune. Bon, et bah, ça démarre bien ce duel. Ça va être sympa. Moi, je l'ai. Frisco. Moi, je l'ai. C'est qui? Je le dis. Vas-y. David Guetta avec Bébé Rexha. Et Afrojack. Ah, et oui. Et Nicki Minaj. Ouais, ouais. Il en fallait qu'un. Oui, oui. David Guetta était suffisait, mais. Ouais, mais moi, comme. Ah, voilà. Ah, il était énorme, tu vois. Eh bien, ça fait 0 points pour Marine, 0 points pour Maxime. Ouais, suffit, c'est pas la boîte de nuit. Oh là là, quelle tuerie cette chanson. Il est 8h12, on se calme. Marine, Maxime, 0 points, on est reparti, voici le deuxième extrait, bonne chance. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me vident. Ouais. Ah, j'ai eu peur. Marine, on t'écoute. Les frérots de la Vega. Et ça fait un point, mais oui. Souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie cruelle, euphorie solitaire. Je kiffe cette chanson, mais est-ce que quelqu'un comprend les paroles? Non, mais personne, mais même eux, ils comprennent pas, hein. Mais ils écrivent avec Julien Dorès pour ça, normal. Midi sur d'abord, vraiment, ok, c'est compris. Ils écrivent ensemble leurs paroles, donc c'est génial. Je kiffe les frérots, mais je n'ai jamais compris leur texte. Non, mais j'adore aussi, hein. Frérot et Julien, je suis fan à mort, mais c'est vrai qu'on comprend pas jamais ce qu'ils disent. Marine, ça fait un point, ça fait 100 euros pour toi si tu deviens notre maître du duel aujourd'hui. J'espère, on croise les doigts. En tout cas, on a une bonne réponse qui veut dire qu'on aura un maître, quoi qu'il arrive. Ça, c'est chouette. Est-ce que ce sera Maxime ou Marine? Réponse à la fin. Voici le troisième extrait. Bonne chance. Marine. Marine, j'ai entendu. Marine en premier, ouais. Marine. Jason Derulo. Jason Derulo. Jason Derulo. Maxime, j'adore. Ben ouais, tu as raison, parce que c'est une bonne réponse. C'est bien Jason Derulo. Eh oui, bonne réponse Marine, ça fait 2 points et 200 euros dans ta cagnotte si tu deviens maître du duel aujourd'hui. Bah, je crois que c'est fait. Hein. C'est fait puisqu'il nous reste deux extraits, même si jamais Maxime fait égalité, c'est le premier qui a donné la bonne réponse, qui gagne donc. Marine, on est bien parti. Ouais. Voici le quatrième extrait de ce duel énergie. J'ai passé des nuits à jouer sur ma guitare, je rêvais de cancer, jamais de... Maxime en premier. Maxime, on t'écoute. Kenji. Bah ouais, c'était facile, quoi. Il était facile, c'est une bonne réponse. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Et je roule, même sans savoir où je vais. Oh là là, j'en peux plus. Mais quelqu'un peut venir la chercher et la garder avec elle. Marine, t'as de la disponibilité dans la semaine pour Tiffany? Ouais, je peux m'arranger. Oui, super. Tu consultes sur Bruxelles. Ah non, c'est du côté de Charleroi. Ouais, t'inquiète, on va te payer un billet de train, y'a pas de soucis. On prend en charge, y'a aucun problème. Eh bien, c'était bien, Kenji. Bonne réponse de Maxime. Un point pour Maxime, 2 points pour Marine ce matin. Et 2015, c'est cool comme. 2015, ouais, ça va. Hein. Ouais. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. Hein. Et là, attention, nous avons le dernier extrait. Alors, Maxime, tu peux le trouver pour l'honneur. Voilà, histoire d'enlever 100 euros à la cagnotte de Marine. Mais... Non mais je vais te faire plaisir. Oh il est gentil, oh, il est chou. Ah, Maxime veut pécho, c'est tout. Voici. Célibataire Maxime? Pardon? C'était célibataire Maxime ou pas? Non. Ah d'accord, bon t'as pas tout. voici le dernier extrait Marine, Maxime, bonne chance. Ne serais-tu pas un peu fan Marine? Non pas du tout. Elle assume pas. Bon, c'est qui? C'est Matt Pokora. C'était magique. Ah non, pas du tout. Non, je... Tout le contraire de notre stagiaire. Eh bien, c'est une bonne réponse, Marine. Mais oui. Ah, On a le stagiaire qui danse et tout. Le mec, il est fan d'Mpokora. On peut plus rien faire pour lui. Mais il, dit quoi, une nuit sans balai? Une nuit sans balai, ouais. Ah oui, hein, c'est pas de ménage. D'accord. En fait, il a écrit la chanson l'année dernière à Noël quand il faisait ses calots et il s'est dit une nuit à emballer. Ah, une nuit sans balai. Mais non, une nuit sans balai. Ah, sans balai proche, quoi. Il devait faire le ménage. Ou sans balai, hein, aussi. C'est pareil. Allez, allez, riche aujourd'hui. 5 euros pour Tiffany. La tienne. Marine, Maxime, vous avez mené un bon combat ce matin et je vous remercie parce que en ce jeudi 6 décembre, enfin, nous avons arrêté ces jours qui passent sans maître du duel. Marine, ce matin, devient notre nouvelle maître du duel. Bravo Marine et bienvenue dans le 6-9, bienvenue dans le duel. Tu es représentante du duel maintenant, tu es maître. Ça, c'est une lourde responsabilité. Et tu vas cumuler de la cagnole, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, on démarre avec 300 euros, Marine. Bravo, bravo, bravo, bon montant. Ouais, c'est déjà pas mal. Et Maxime, bah, bien joué aussi et fair play. Bravo à toi, Maxime. Merci les tous, les gars. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, Maxime. Bah, je voulais, comme vous avez fait croire que je voulais pécho, je vais faire une petite dédicace à ma copine qui est actuellement en stage. Donc, gros bisous à elle. Oh, c'est chou. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ashley, j'ai pas envie d'avoir de problème. Imagine, le mec il en a tellement qu'il sait pas comment elle s'appelle, toi. Elle s'appelle mon cœur, c'est toi, elle s'appelle mon cœur. Surtout qu'il a dragué Marine, donc il dit je veux pas avoir de problème. J'ai passé mon message, suivant. Eh bah, le message est passé à Ashley, on t'embrasse, Maxime, plein de bonheur à vous deux et tu reviens quand tu veux sur Énergie, ça va? Merci à tous les gars. À bientôt. Bisous. Bisous, bisous Maxime. Ciao, ciao. Et Marine, ça sera un bonheur de t'avoir demain à 8h05 dans le duel Énergie. On te souhaite une très très belle journée. Et puis de toute façon, je te repasse Tiffany hors antenne. Vous vous arrangez pour le rendez-vous. Hein. Il faut vraiment la prendre en charge aujourd'hui. Ok. On t'embrasse Marine. À demain. Grand bisous. Bisous. Bisous. À demain, 8h05 pour un nouveau duel sur Énergie. Le duel Énergie. Et si vous avez l'envie d'affronter demain Marine dans le duel énergie. Vous aussi, vous pouvez participer dès maintenant. Il suffit de vous inscrire, vous envoyer duel plus votre prénom. Tiens, ouais. Pourquoi pas. Voilà, duel plus votre prénom au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Rendez-vous demain, 8h05, dans le duel face à Marine. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits. Toute la journée. Vos hits préférés. Toute la journée. Énergie. It's it music. Sera votre cadeau à seulement 69 euros. Une PlayStation 4 Pro? À vous de choisir sur proximus.be. Valable pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Toutibus. Aldi et ce que certains en pensent. Il y en a qui pensent, les marques Aldi, non, ça peut pas être aussi bien que les marques connues. Eh bien, ils ont tort. Parce que chez Aldi, pour faire baisser les prix, nous faisons des économies sur les coûts, jamais sur la qualité. Des tests indépendants le prouvent. De nombreux produits Aldi font aussi bien que les grandes marques. La différence, c'est les prix. Certains sont quasiment moitié moins chers. Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez-vous même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Offrir un album photo pour Noël. Oh, mais quelle bonne idée! Il n'est pas plus personnalisé, n'est-ce pas? En effet, Seway a été élu meilleur service photo du monde, justement pour ses superbes couvertures personnalisées avec finition en relief unique. Et en prime, recevez un magnifique coffret cadeau pendant les fêtes. Créez votre album photo Seway sur cewe.be. Chez Brentano, nous savons que vous n'avez pas demandé aux petits kilos de l'hiver de transformer votre jeans boyfriend en jeans skinny. Nous savons que vous n'avez pas demandé à ce qu'une chaussette rouge ajoute une touche de romantisme dans votre lessive de blanc. Oh là là. Et nous savons aussi que vous n'avez pas demandé à votre adolescent qu'il change de look toutes les deux semaines. C'est quoi ça? Heureusement, en ce moment, c'est les pré-soldes chez Brentano. Recevez 50% de réduction sur tous les articles marqués d'une étiquette rouge à l'achat de minimum 2 pièces. Conditions sur brentano.be. Jean est costaud, très costaud. Ouais. C'est normal, il est livreur. Sa spécialité, les frigos américains. Les gros. Tellement gros qu'il faudrait 3 Américains pour les porter. Non, 4. Wow. Et en plus, Jean les porte seul, à une main, et il est belge. Non, peut-être. Alors, imaginez-le fermer la porte de son transporteur. Le Volkswagen Transporter résiste au plus costaud. Profitez déjà des conditions salon avec un renting financier de 0%. Offre réservée aux professionnels. Plus d'infos sur volkswagencommercialvehicles.be. Les études du 6-9, c'est une nouveauté. Nouvelle séquence, dans un petit instant, j'ai des études pour vous. Et notamment sur le GSM. Vous allez apprendre un truc sur le smartphone, c'est dégoûtant. Ah ouais, vraiment, vous allez plus le voir de la même manière, votre smartphone, je vous le dis. J'ai des études pour vous, c'est dans un petit instant, c'est les études du 6-9, après Camilla Cabello et un point sur les routes, Aurélie. Alors sur le 40, vous ralentissez entre Everly, Woluwe et Saint-Etienne. Ajoutez 33 minutes sur le 411. Ça coince entre Corroy-le-Grand et Wallin. Ajoutez 14 minutes. Vous perdez 26 minutes sur le ring intérieur de la capitale entre Wautier-Bren et Heusingen. Sur le ring extérieur, vous perdez 43 minutes entre Mont-Saint-Jean et Oulart. Courage, et au sud du pays, ça bouchonne comme tous les jours sur le 411. Entre Abbé et Sterpeniche, comptez une heure supplémentaire. Ouh, je les adore, ces petits foufous du matin. Le 6-9 sur Énergie. C'est le 6-9. Dirty tissues, trust issues. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows in a stranger's bed. Little voices in my head. Secret keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Expectation, every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. On écoute ça juste après sur Énergie. Avant ça, voici les études du 6-9. J'ai des petites études pour vous, notamment sur le bureau par exemple. Le bureau, ce qu'il peut dire de vous. Votre bureau mal rangé parle beaucoup pour vous. Ou si au contraire il est bien ordonné, ça parle pour vous aussi. Okay. C'est une étude qui a été faite par l'université d'Ann Arbor dans le Michigan. J'aime bien aussi celui-là. C'est à côté du Missouri. Du Missouri et du Connecticut. Et du Mississippi. Mississippi. L'étude a rassemblé 160 personnes dans une pièce avec deux bureaux. Le premier était parfaitement rangé et le deuxième était rempli de papier, de livres, enfin tu vois, tout des piles. Le bureau de Jérém, quoi, par exemple. C'est vrai. C'est vrai que je suis hyper maniaque, mais mon bureau, il est. Ah, c'est un bazar. C'est un bazar. Il y a que toi qui es maniaque dans l'équipe, au niveau du bureau. Qui ça? Moi? Oui, ouais, je suis un bureau. Moi, il est tout le temps nickel. Ouais, quand ton bureau, il est nickel. Bah voilà. Et ben sachez-le, les gens qui ont les bureaux les plus mal rangés seraient excentriques, insouciants, névrosé et pas très très agréable. Ah bon, non mais il n'est pas tout le temps dérangé mon bureau. Hein. On n'est pas dans le 1. Alors que le bureau ordonné serait quelqu'un de plus posé, d'organisé, de rangé, enfin voilà. Toi t'es posé. Ouais. Mais c'est bizarre, c'est l'inverse, hein, c'est j'ai l'impression. Ouais. Bureau encombré, c'est le signe d'un esprit encombré. Voilà. Tu es encombré, Jérôme. Je suis encombré aussi. On va parler des photos qu'on poste hein, sur Instagram. C'est devenu la mode maintenant. Tout le monde met des photos. Vas-y que je suis beau. Ouais, t'as vu, je fais ma belle. Oh là là, oulala. Vas-y, je mets des filtres. Hashtag BG. Hashtag BG. Et évidemment, on a l'habitude aussi de mettre des filtres, comme tu le dis, Frisco, pour se rendre un peu plus joli. Il y en a qui en ont bien besoin, je peux le comprendre. Et il y en a surtout qui utilisent le filtre photo noir et blanc. Qui fait ça? Qui poste des photos noir? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais déjà arrivé aussi. Eh ben, ne surtout plus faire jamais. Never, never, never. Pourquoi? Selon une étude coréenne, ils avancent que les personnes qui mettent en ligne des photos avec le filtre noir et blanc ont une vie amoureuse douteuse. Ils sont instables émotionnellement. N'importe quoi. Regarde les deux là. Oh la mauvaise foi. Hein. Ouais, mais ils parlent des Coréens. Peut-être que les Coréens en noir et blanc. Ben voilà, mais. Et alors, je finis avec cette étude. Là, c'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Le smartphone. On a tous. Un téléphone, un GSM, pour la plupart un smartphone. Et ben sachez-le, une étude révèle que nos smartphones contiennent 7 fois plus de bactéries que nos toilettes. Mais non. Ah, il vient de lâcher. Et quand je vous dis 7 fois plus, c'est 7 fois plus. Hein. Non, mais Aurélie, elle a une lingette. T'as pas une lingette J'ai des lingettes désinfectantes toujours sur moi. Et imagine, tu utilises ton téléphone sur tes toilettes. Bah, c'est ce que tout le monde fait. Alors le combo, t'es le roi de la bactérie. Là, hein. Combo gagnant. Non, écoutez, ça, c'est hallucinant. 1479 colonies de bactéries sur les smartphones contre seulement 220 sur les planches des toilettes. Et une chose que moi, j'ai apprise aussi dans une petite étude, c'est que sur ton écran, avec les traces que tu laisses avec tes doigts, on sait savoir ce que t'as mangé la veille. Et ben voilà, merci, grâce à toi, on n'écoutera plus Offenbach. Peut te remercier. Ouais. Ils ont voulu démissionner, ils ont entendu ton conseil, ils ont dit non, on va plus aller sur Énergie. Et alors sachez-le, le chiffre grimpe encore plus quand le téléphone est protégé par une coque. C'est pire, une coque en cuir, on a trouvé 17 fois plus de microbes encore. Donc t'en as déjà 7 fois plus que les chiottes. Alors, enfin les toilettes, pardon, c'est affreux. C'est affreux. Oh là là là là. Non, privilégiez la coque en plastique, apparemment c'est la moins bactérienne. J'ose plus enlever la mienne, dis donc. Voilà. Il y a des bêtes qui vont sortir. Merci Marco. On revient avec grand plaisir, on revient avec DJ Snake et les sondages du jeudi qui arrivent. À tout de suite. Pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance.

sur Énergie dans un instant. Bon jeudi, bonne Saint-Nicolas à vous ce matin avec le 6-9. Voici comme tous les jeudis à 8h35, aux alentours, hein, plus ou moins parce qu'il est 36, les sondages du jeudi. Si je vous dis qu'on en rencontre en moyenne 7 par jour. 7 par jour. Des moustiques. C'est en pas été, mal. En été, il y a moyen. Oh, bon, en été, c'est même plus que 7, je pense. Je sais. Non, c'est pas ça. Jérém. Des animaux de compagnie. Des animaux de compagnie. Non, c'est pas bien, bien. Non, c'est pas ça. On en rencontre en moyenne 7 par jour, à votre avis, Aurélie Drelac. Des papis et des mamies. Bon, beaucoup plus, hein. À la caisse, il y en a déjà 15, là. Attends, Tiffany a l'air des vénère. Des conducteurs qui ne savent pas conduire sur la route. Ouais, c'est non, ça. Des Tiffany, quoi. Ouais, ça. Tiffany par jour. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On en rencontre en moyenne 7 par jour. Ça fait peur. Je vous le dis honnêtement, ça fait flipper. C'est des gens, est-ce que c'est des personnes? C'est des personnes, mais qui ont un trait de caractère, une particularité très bizarre. Des loups-garous. Des schizophrènes. En moyenne, 7 par jour. On n'est pas loin, Jérém. C'est pas des schizophrènes, c'est des psychopathes. Non, voilà. 7. On en rencontre en moyenne 7 par jour. Déjà, dans cette pièce, il y en a 5. Bah, déjà, de quoi tu parles. Commence par toi-même. Quand tu te brosses les dents, ouais, tu te regardes. Ah, oh, le psychopathe. C'est ouf quand même, 7 psychopathes par jour. C'est vrai, c'est beaucoup. Hein. Ça fait flipper quand même. C'est vrai que chez Énergie, on est servi. C'est plus que ça. 32% des couples s'embrouillent chez Ikea dans un rayon bien particulier. Enfin, chez Ikea et même, j'ai envie de dire, dans d'autres magasins aussi. Hein. J'ai postulé, ça pourrait être Lennebaker. Jérém. Dans les chambres pour les enfants. Non, c'est pas ça. La cuisine. Non, non plus, Frisco. Tiffany. Non, j'allais dire dans la cuisine. Ouais. M'engueule pas non plus. Frisco. Dans le salon. Non. Oh, la salle de bain. Pour avoir la taille de miroir. Non. Non, je sais, Jérém. Tu sais, quand tu dois faire le parcours à la fin, il y a plein de brolles. Et à chaque fois, le caddie se remplit alors que t'étais venu acheter un truc. Il y a 10 000 trucs dans le caddie et tu commences à péter un câble. C'est vrai. Au resto. C'est pas là, non. 32% des couples s'embrouillent chez Ikea dans un rayon bien particulier. Au resto chez Ikea. Au rayon. Qui a parlé de chambre tout à l'heure? La chambre des enfants. C'est pas la chambre des enfants, c'est la chambre des parents. Des parents. La literie. C'est au rayon literie, ouais. 32% des couples s'embrouillent là-bas au rayon literie. Non, mais je préfère ce matelas-là, il est plus mou. Non, je te dis qu'il est plus dur. Non, il est plus mou. Non, il est dur celui-là. Non, ça vient beaucoup plus. Ouais, je sais. En plus, t'as pris qu'un 160. Toi, on a besoin d'un moins d'un 2 mètres. Mais j'en peux rien si t'es grosse. Bah ouais. Oh, si c'est comme ça que tu traites ta copine, bah elle va être contente. Mais non, je traite Jérém comme ça. Ah, ça va. On aurait dit un vrai petit couple, mais elle fait peur. Pendant un instant, j'étais chez Ikea avec. Vous avez déjà fait ça sur les livres. Tu vois, tu t'assieds comme ça et tu dis à l'autre de se coucher, tu dis, tu sens que ça bouge ou pas et tu sautes un peu dessus. Et tu fais, à ton avis, pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas. Voilà. Naïf. Mais voilà, comme ça, vous le savez. Faites attention quand vous arrivez au rayon literie. Ouais, c'est ça. Une embrouille arrive. C'est vite arrivé. Un petit nuage noir au-dessus. On finit avec ça. Selon les hommes, c'est donc nous, hein, selon les mecs, hein, c'est la chose que tous les gars devraient savoir faire eux-mêmes à la maison. À votre avis, c'est quoi? Changer une ampoule. Changer une ampoule, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Et tu sais que j'en connais, je te jure que c'est vrai, ils ne savent pas changer une ampoule. Sans blague. Ils sont obligés de nous appeler pour ça, me rend dingue. Jérém. Le ménage, donc soit laver ou la vaisselle. Ou... Pas mal, mais non, c'est pas ça. Ça. Selon les hommes, c'est la chose que tous les mecs devraient savoir faire à la maison, à votre avis. Tiffany. Mettre un clou au mur. Bonne réponse de. Non, c'est pas ça. Frisco. Peindre. Non. Ah, j'allais le dire. Aurélie. Autre chose. Selon, je vous donne un indice, c'est du bricolage. C'est en rapport avec du bricolage. Selon les mecs, bricolage. C'est la chose que tous les mecs devraient savoir faire eux-mêmes à la maison. Et j'ai même envie de vous dire, c'est du bricolage dans une pièce bien particulière à la maison. Réparer une fuite d'eau. Non. On n'est pas loin. De la plomberie. À toilette. La toilette. Et oui. Quoi? Il y a quoi aux toilettes? La chasse. Non, non. Tout nettoyer, simplement. Changer le. La lunette des toilettes. Mais non. Fixer la planche des toilettes. Selon les mecs, c'est ce qu'on devrait tous savoir faire à la maison. Bah, c'est qui, pas le même plus important. Filles. On s'en qui s'est fixé une planche de WC? Aurélie, ouais. Jérém. Moi, j'ai jamais essayé. Chaque fois que je suis arrivé dans un appart, il y avait une planche déjà. Ah, vous utilisez la planche des anciens. Quoi, toi, tu. C'est un des premiers trucs que je change. Ah ouais, vous avez changé. Mais direct, hein, même les appartements que je louais. Tu fais genre, ouais, mais c'est parce qu'il va emménager dans quelques semaines. C'est vrai qu'en fait, j'y avais jamais pensé, mais je vais la changer. Ah, moi, je vous jure, c'est le premier. Comme Aurélie, j'arrive dans l'appart, c'est le premier truc que je change, la lunette des toilettes. Mais évidemment. Et est-ce que tu l'emportes avec toi partout où tu vas? Non, non, je la jette, après, je la laisse. Je suis sûr qu'il y a plein de

Ouais, mais moi aussi, en fait, je lui fais confiance. Après, moi faut aussi, pas. Je fais mais plus même, non, toi, moi, tu je fais pas confiance. Toi, si tu... Je suis sûr que tu fouilles. Non, non, je fais confiance, mais par contre, s'il y en a une qui tourne, là, je suis jalouse. Ah ouais, mais il faut pas tourner non plus. Ah oui, coller, c'est ça. Quoi. Ouais. Des limites. Non, moi, je suis pour le partage. Moi, y a pas de souci. Basique, Camille à Camélo. On va écouter ça dans un petit instant sur Énergie. Et puis, on va revenir avec le cadeau drop. Ah, ça va être chouette, ça cadeau drop. C'est comme le money drop. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu le jeu. Vous allez avoir trois cadeaux. Je vous annonce déjà la couleur. Il y a enceinte Bluetooth. Il y a un drone et il y a deux entrées pour aller se faire un terme à Grimbergen. Ouh, sympa. Tout ça, c'est pour vous. C'est dans le cadeau drop et le but, bah, c'est de dégarder et de repartir avec les trois cadeaux. Il va falloir aller. Qu'est-ce qu'on peut s'inscrire? Il faut que vous envoyez jeu par SMS au 6018 jeu 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. On joue avec vous dans un instant. Qui a mis du parfum? Ça pue la rage. Mais c'est elle, elle a mis, elle a fait du déo. Oh là là, Tiffany. Tu pouvais pas attendre un quart d'heure qu'on est fini. Elle nous a enfumé le studio. Quoi. Déjà qu'elle s'est fait biche aujourd'hui, ça cache un truc. Si, si, avec tes cuissards là. Et c'est quoi ce déodorisant? On a le droit de se faire belle. C'est poubelle numéro 5 ou quoi ce truc? Mais non, c'est. À la place de ton mec, je serais jaloux. Hein. Ah, tu m'étonnes. Allez, bougez pas, cadeau drop. Ça arrive dans un instant sur Énergie. À tout de suite. Vous allez vivre un moment ultra privé, exclusif, avec votre star énergie, Orelsan. Vous savez comment je m'appelle? Ça trop de ça, Énergie Live Session. Bonjour, c'est Orelsan. Vous n'avez pas les passes. Votre radio préférée vous invite pour un concert en toute intimité dans les studios d'Énergie à Bruxelles. Tout va bien. Découvrez les hits de son nouvel album en live. Et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique. Énergie tout le temps et gagnez vos places pour ce concert ultra privé, exclusivement réservé aux auditeurs d'Énergie. Hey, nouveau smartphone? Ouais mec, histoire de fou. Je suis rentré dans le magasin là et j'ai dit bonjour, je vous donne 10€ pour ce smartphone de dingue. Et le mec me regarde et il me dit ok. Mais non. Je te jure. Alors je lui donne mon billet de 10. Et alors? Il m'a donné le smartphone. Et ça aussi. C'est quoi? C'est 1€. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9€. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be. À la fois responsable de magasin et livreuse, elle sait tout faire. Elle, c'est Marie-Paul. Marie-polyvalente, vendeuse de primeurs. Elle a plus d'une corde à son arc avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé de 20 aides à la conduite et de la navigation connectée. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en deux longueurs à partir de 129€ par mois. Et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. Vous en rêvez? Avec Neckermann, vous l'avez. Réservez vite vos vacances d'été et c'est gratuit pour vos enfants. Ce sont les dernières heures. Au fond, les fêtes, c'est fait pour quoi? Pour le savoir, Deleuze a posé la question aux Belges. Par exemple, pour Chantal d'Otigny, les fêtes, eh bien c'est surtout l'occasion de se réunir en famille. Yeah! Avec ses voisins. Yeah! Et les amis des voisins. Et pour rendre les fêtes encore plus belles, chez Deleuze, le champagne Vrancken premier cru ainsi que 100 autres produits festifs sont en un plus un gratuit. Deleuze, du côté de la vraie vie. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Carglass répare, Carglass remplace. Maintenant aussi pour la carrosserie. Eh oui, Carglass répare dorénavant les petits et les gros dégâts de carrosserie. On ponce, on polie, on détermine la teinte exacte et on repeint dans la couleur d'origine. Votre voiture sort comme neuve. Une griffe ou une bosse, rendez-vous sur carglass.be et recevez votre devis dans les 24 heures. Carglass répare, Carglass remplace. Maintenant aussi pour la carrosserie. Et le prix? C'est le prix du devis, pas un centime de plus. Loulou. Oui. Tu peux me dire ce que tu as? Rien. Pourquoi t'arrêtes pas de chantonner alors? Non, c'est rien, je te dis. Je te crois pas. Tu sais qu'on n'a pas de secret l'un pour l'autre, d'accord? Ok, bon, c'est Mercedes-Benz. Quoi, Mercedes-Benz? Ils ont commencé leur condition salon. Tu m'as fait peur. On y va? Chez Mercedes-Benz, profitez dès maintenant de nos conditions salon. Des prix exceptionnels sur les modèles Sport Edition et des primes de reprise super attractives. Rendez-vous sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Action soumise à condition. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. On joue ensemble au cadeau drop après Basie et Camille Cabello. Et là, un petit point sur les routes. Aurélie, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a des ralentissements sur le 40. Vous perdez 35 minutes entre Everlay, Woluwe et Saint-Etienne. Sur le 411, comptez 34 minutes en plus entre Overice et Odor Game. Il y a aussi des ralentissements sur le ring extérieur de la capitale. Comptez 39 minutes en plus entre Mont-Saint-Jean et Oulart. Sur le ring intérieur à présent, entre Wautier-Bren et Huizingen, comptez 23 minutes en plus. Sur le 19, il y a des ralentissements entre Thieu et Nîmes-Mézières. Ajoutez 19 minutes. Il y a aussi des ralentissements toujours sur le 19, 20 minutes en plus entre Saint-Guilain et Nîmes-Mézières. Et puis au sud du pays, ça bloque comme tous les jours, comme tout le temps en fait, entre Stockholm et Serpenich. Là, vous perdez 34 minutes. Actions I be hanging up. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. The thunder, ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, I be anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Le mec qui se chauffe. I like it. Eh ben oui. Merci Jérém, il a suivi. Dans un instant, Shawn Mendes avec Z. Terrible. Avant l'arrivée de notre beau gosse, il arrive avec son beau pull. T'es trop beau. T'es trop beauté. C'est Tanguy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mais très très bien, et vous? Bah écoutez, oui, c'est jeudi, on est bien. Je trouve que c'est une belle journée aujourd'hui. C'est Saint-Nicolas. Ah oui, c'est vrai, on a reçu des petits cadeaux. Ouais, des chocolats, tout ça. Bonne Saint-Nicolas, mon Tanguy. Mais merci beaucoup. Oui, on est des grands enfants, on se le souhaite encore. Il faut souhaiter ça aussi à notre patron, la Saint-Nicolas. C'est vrai. On l'a déjà dit, c'est vrai. Ah, excusez-moi. Oh oui, prépare le numéro de Nico, s'il te plaît. Tu l'as pas? Je vais te le donner. On va appeler le patron, il s'appelle Nicolas, c'est vrai, on est obligé de lui souhaiter la fête. On lui souhaitera ça avant de partir. Avant ça, on va jouer avec Marie ce matin au Cadeau Drop. Oui, Marie. C'est pas possible. Tu sais quoi, tu vas mettre dans la cagnotte si tu continues. Mitraille. Marie qui travaille comme, comme coordinatrice d'une maison de jeunes à Binge. No, did you? Elle adore les voyages et son rêve serait d'aller à Cuba ou en Thaïlande. En ce moment, elle regarde la série Jane the Virgin. Woohoo! Sur Netflix. Et puis son plat préféré. Et au vu du moment, ce serait bien une bonne tartiflette. Une bonne tartiflette. Oh, oui! La tartiflette. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue ce matin Marie dans le 6-9. Nous allons jouer avec toi à Cadeau Drop. Cadeau Drop, c'est quoi? Eh bien, voici déjà tes cadeaux. Ils sont à toi Marie. Ce matin, tu repartiras, je l'espère, avec une enceinte Bluetooth. Ouais, pas mal. J'ai mis un drone. Ouais. Et il y a également deux entrées pour aller à Grimbergen. Jouons ouais. tout de suite. À Cadeau Drop. Le concept de Cadeau Drop est assez simple, Marie. C'est comme dans l'émission de télé avec Laurence Boccolini. J'adore cette animatrice en plus. À fond. Ah, son air un peu sec là. Ouais. Ah, je suis fan. Le maillon faible. Le maillon faible a été extraordinaire. Extraordinaire. Vous avez oublié votre cerveau à la maison? Au revoir. C'était vraiment ça. Tu as donc les trois cadeaux, Marie, en ta possession. Je vais te poser des questions. Il y a trois questions avec à chaque fois trois propositions. Mm-hmm. Tu peux donc mettre un cadeau sur chaque proposition, ce qui te permet d'être sûr d'en gagner au moins un. Uh-huh. Ou alors, si tu es sûr de la réponse, tu peux tout mettre en effet sur la réponse. Ok. Tout simplement. Le but, tu l'as compris, c'est de garder tes cadeaux jusqu'au bout et de repartir avec les trois. Quel est celui que tu préfères parmi enceinte Bluetooth, drone ou les entrées pour les thermes de Grimbergen? Bah, du côté hogeïste, je dirais Grimbergen. Bah, ouais. Mon amoureux serait pas mal sur le drone. Ça serait pas mal, oui, voilà. Bah, oui, ça peut être les deux. Et Grimbergen, tu peux y aller avec quelqu'un, je pense. Bah, avec son amoureux, évidemment. Ouais, mais il préfère le drone. Sûr, ouais, mais après, il peut faire du drone dans la piscine à Grimbergen. Bientôt, on peut faire un combo. Et en plus, l'enceinte est waterproof, donc il peut aussi la mettre dans la piscine. À toi de voir si tu vas bien répondre aux trois questions. Voici la première. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? Est-ce que c'était A, en 1984, B, en 1986, ou C, en 1989? C'est la réponse C, le 1989. T'es sûr, on met tout dessus? Ouais, je suis certaine. On met tous les cadeaux sur 1989. Si c'est la bonne réponse, tu gardes tes trois cadeaux. Et on peut du coup s'attaquer à la deuxième question. Si par contre, malheureusement, c'est pas la bonne, tu perds tout d'un coup. Ça, c'est risqué. Hein. Bravo. Ma date de naissance, alors c'est facile de retenir. Oh, trop fort. 89. Ouais. C'est comme toi, ça marque au nom? Non, 87. Points. Ah, ouais. Je suis deux années avant. Le cru d'avant. Le millésime. Et il est né le même jour de mon anniversaire, mais un an avant moi. Enfin voilà, tout le monde s'en fout. Mais c'est très intéressant. Qui, moi? Non, le mur de Berlin, il a été détruit le 9 novembre 89. Moi, je suis né le 9 novembre 90. Oui, bah comme on dira à Tiffany, on s'en fout. Mais je me le suis autodit. Hein. Marie, est bien parti, Marie. Voici la deuxième question. Il reste toujours les trois cadeaux. De quel instrument joue spécifiquement un corniste? Un corniste, il joue de la cornemuse? Est-ce qu'il joue du cor? Ou est-ce qu'il joue de l'accordéon? Un corniste joue spécifiquement de la cornemuse, du cor ou de l'accordéon? Vite, parce qu'il y a un chrono aussi. Hein, oui, sur la A et la B. Ouais, mais quel cadeau tu mets? Alors, la A, on met quoi? L'enceinte Bluetooth, le drone ou les Grimbergen? Grimbergen sur la A. Allez, je t'aide. Je mets l'enceinte Bluetooth sur le A et je mets le drone et Grimbergen sur le B. Tu me remercieras. Ah, Laurence Broccolini, elle est vachement plus... Plus sympa. Plus... Hein. Bah ouais. Elle est moins froide ici. Elle est moins froide. Tu peux me remercier parce que si tu mettais tout sur le A, c'était fini. Non, c'était du cor. Le corniste joue du cor. Ok. Voilà. Ok. Donc, j'ai gagné quoi, là, du coup? Alors, là, du coup, bah, l'enceinte Bluetooth, on lui a dit au revoir. On garde le. Tu as toujours le drone et tu as toujours Grimbergen. Parfait. La classe. Par contre, je te cache pas que sur cette dernière question, je jure que personne n'aide. Ouais. On la joue sérieux. Dernière question et la possibilité pour toi de repartir avec le drone et les deux entrées pour Grimbergen ou l'un ou l'autre ou rien du tout. C'est ce qu'on va voir. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par « J'accuse Alphonse de Lamartine, j'accuse Victor Hugo ou j'accuse Émile Zola ?» Alors, tu peux répéter les propositions ? Alors, le célèbre écrivain qui débutait son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus démarrait par « J'accuse Alphonse de Lamartine, j'accuse Victor Hugo ou j'accuse Émile Zola ?» Je mets tout sur Zola. On met tout sur Zola. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. C'est pas un risque, hein. Là, ouais, hey, franchement. Si c'est la bonne réponse, tu repars avec le drone et tes deux entrées pour Grimbergen. Et la réponse est... Et les deux entrées pour les thermes de Grimbergen, c'est pour toi, Marie. Bravo, félicitations. Ah, mais super, un grand, grand merci, l'équipe d'énergie. Avec grand plaisir, Marie. Ton mec pourra faire du drone dans la piscine à Grimbergen. Pendant que tu feras la brasse à côté, que tu feras des petits soins ou des petits massages, et lui sera. T'as vu, chérie, ma peau est toute douce. Et toi, je vole. On t'embrasse, Marie. On te souhaite une excellente journée avec énergie. Ben merci à vous aussi. Bonne journée, bonne Saint-Nicolas. Profitez bien. Merci beaucoup, merci Marie. Bisous à toi et bravo encore, Marie, qui gagne le drone et les deux entrées pour Grimbergen grâce au cadeau drop. Bravo, bravo, bravo. Et t'as été vachement sympa. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est Saint-Nicolas, mais... Il faut être gentil aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et là, on dirait que le drone vole. Mais tais-toi. Got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Attention, we could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Qui arrive, il s'occupe de vous. C'est surtout Benoît qui a fait sa playlist. Oh, Benoît, Il a fait des bons choix, Benoît. De tournée. Ah, il a choisi Daft Punk. Oh, bien. Excellent. Lequel? One More Time. Oh oui, monsieur. One More Time. Ah, j'adore. Et bah, Benoît, ta playlist arrive. C'est la playlist partagée. Allez faire la vôtre, évidemment. C'est sur energie.be dès maintenant. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Avant de se quitter, j'aimerais quand même rapidement vous parler de ça. C'est très important. C'est nos amis, nos collègues de Nostalgie. Oh, c'est nos frères. Nos frères, hein, il faut le dire, c'est vrai. Nostalgie qui organise le Magic Tour comme chaque année. Et on a besoin de vous parce qu'on doit récolter des jouets. C'est au profit des enfants les plus démunis, ceux qui malheureusement vont peut-être pas avoir le même Noël que nous tous. Donc voilà, c'est l'occasion, si vous avez des jouets à la maison, des jouets en bon état, hein, pas de peluche, pas de vêtements, des jouets, genre je sais pas moi, un bon vieux qui est, ou un des jouets pour les petits. Enfin, il y a plein de trucs, des camions, des figurines, des petites voitures, des Barbie, tout ça. Barbie, voilà. En bon état, vous les ramenez aujourd'hui, nos camarades, en ce 6 décembre, en cette journée de Saint-Nicolas. Ils sont au shopping, les bastions à tourner. Je compte sur vous pour y aller et aller donner vos jouets, les copains. Vraiment. Ouais, c'est important. C'est pour et, la bonne cause. Allez, les Tournaisiens. Bonne cause, et ouais, et franchement, on compte sur vous, les Tournaisiens, ce matin. Donc, allez-y, c'est au shopping, les bastions. Ils sont là toute la journée. Donc, amenez vos vieux jouets en bon état, je rappelle, c'est important. Ouais. C'est pas une poubelle, et les gars. Et pas de peluche, hein, les gars. Oui, et pas de peluche. Voilà. Et il y a les piles usagées aussi qu'on peut donner. Pour Bébat, c'est vrai, pour le recyclage, toujours très sympa. Et ben voilà, donc foncez. C'est la Saint-Nicolas, vite fait avant de partir. Appelons le boss très rapidement, quand même, pour lui souhaiter une bonne fête. On vous souhaite à tous aussi une très bonne Saint-Nicolas, évidemment. Eh oui! Au grand Saint-Nicolas, patron des écoles. Non, patron d'énergie, patron d'énergie. Ouais. Allô, patron? Hakuna Matata. On vous souhaite une bonne fête, Nicolas, puisque c'est la Saint-Nicolas. Donc, Depuis quand tu le vois, toi? Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'une augmentation. Ouais. Il lui claque la bise tous les jours, il fait ça à ma coupe. Non, quand même pas. Allez, 5 euros pour Nico. Eh bien, Nicolas, tu vas te faire un kiff avec nous, Nico. Pour Nicolas, personne n'a fait Nicolas. Nico, on va se faire un kiff avec toi, vu que c'est la Saint-Nicolas. On va se quitter avec le Hakuna Matata. Monsieur le directeur. Et ben, vraiment bonne fête à toi. Il t'a gâté au moins ce matin, Saint-Nicolas, Nico. J'ai rien eu. Ah non, attends. Attends de venir jusqu'au boulot. Oui, ouais, ça va arriver. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. À tous une excellente Saint-Nicolas en ce jeudi 6 décembre. On vous embrasse, on revient demain dès 6h avec les pifous. Bisous Aurélie. Bisous. Bisous Tiffany. Bisous tout le monde. Oh mon Jérém. Oh plein de poutous à tout le monde. Je vous aime les amis. Mon gros Calino, mon Frisco. Oh gros bisous mon poulet. On vous embrasse et gros bisous mon Nico. Bisous, bisous, bonne journée à vous. Bonne journée, à tout de suite patron. Ouais, à la réunion, dépêche-toi. On se retrouve demain dès 6h en direct sur Energy pour le 6-9. C'est la dernière de la semaine, demain c'est vendredi. On commence à 7h. Non, t'es tout seul mon pote. Non. Oh, mais quoi, il faut en profiter de Noël là. Demain 6h, à demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Surtout ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors jusqu'à samedi, dans tous les magasins Carrefour, le Bordeaux supérieur Rock des Chevaliers est en une bouteille, plus une gratuite. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. And you're listening to Énergie. Ce matin, dans la playlist personnalisée, c'est un sportif. C'est Olivier de Tournai qui a fait sa playlist sur energie.be. Olivier qui m'a laissé un message, il a dit « besoin de motivation pour aller au sport ». Attends, Olivier, t'es en train de me dire qu'il est passé 9h et qu'il était déjà au sport ? Ah oh là là, mais ça c'est, il faut vraiment beaucoup de courage et je comprends que tu aies fait ta playlist. Bon, on va retrouver justement dans ta playlist Drake, Bad Bunny, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Daft Punk, oh là, ça c'est un excellent choix. Et faites la vôtre aussi, vous foncez maintenant sur energie.be. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no. Yeah. Dile que tú eres mía.